Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes le 29e jour de la deuxième lune de Sanguin de l'an 1131. Après votre petite visite chez Monsieur de Cuivre, vous avez dû rentrer au QG. Et cela au prix d'une petite nuit passée dans une auberge. Le lendemain, une fois chez vous, vous avez dû programmer votre prochaine journée de travail. Et cette journée, justement, c'est maintenant. Parce qu'en cette matinée du 29, ultime jour de cette deuxième lune, vous n'avez pas prévu de rester bien longtemps après avoir ingurgité votre collation. Parce que la suite de votre plan est tout tracée, et plus tôt vous allez partir, mieux ce sera, puisque vous arriverez plus tôt et vous aurez moins à supporter la tempête. Parce que oui, il semblerait que Ernest Confortini vous ait menti. À moins que ce soit Baudor qui vous ait menti. Et à vrai dire, vous en avez la conviction. La conviction de quoi? Je ne sais pas très bien, parce que vous n'êtes pas d'accord là-dessus, mais chacun, vous avez votre conviction. Il ne vous reste plus donc à vous préparer, à sortir affronter la tempête et traverser la ville. Mais avant de partir, je vous demande juste, avez-vous quelque chose à dire, à faire? Je vous écoute. A priori, ça va. A priori. Eh bien, c'est parfait. Dans ce cas, vous quittez les lieux. Vous allez donc vous rendre, sauf précision du contraire, mais si les plans n'ont pas changé, vous allez donc vous rendre chez Monsieur Confortini. Lorsque vous sortez, pour être honnête, la tempête fait rage, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs jours, et de toute façon, vous le connaissez, je vous le dis encore et encore, mais c'est la tempérie de Sanguine, hein. C'est une tempérie un peu compliquée, mais vous savez que de cela va un peu vous ralentir, mais bon, les vélos travaillés par Esther vont vous permettre de pallier un peu tout ça. Durant votre trajet, alors que vous êtes tout simplement en train de remonter plus ou moins vers la haute ville pour arriver chez Monsieur Confortini, vous passez par plusieurs quartiers, et notamment un quartier que vous connaissez maintenant plutôt bien, le quartier de l'Arbre. Mais à vrai dire, sur le chemin, vous êtes arrêté. À quelques mètres du quartier, vous voyez un métropolite qui est vraiment sous la pluie, en train de prendre juste la tempête sans vraiment bouger, et qui, lorsqu'il vous voit, fait d'énormes signes. On va aller vers lui, j'imagine. Tout de suite. Ouais, on y va. On presse le pas. Vous avancez vers lui. Et une fois arrivé à son niveau, et qui fait... Ok, qu'est-ce que vous faites là? Je vous déconseille de passer par là, il y a une insurrection depuis ce matin et le quartier est complètement hostile. Vous n'êtes pas au courant? Une insurrection? Tiens. Des barricades ont été érigées. Ils sont en train de s'occuper. Là, on attend l'arrivée des gendarmes, mais on a un peu du mal à faire quoi que ce soit. On en connaît la raison dès que vous rentrez dans le quartier. Je crois que c'est encore un foutu poème. Ah, un nouveau. Ouais. À vrai dire, moi, je sais pas. J'ai pas réussi à rentrer. Mais de ce que j'ai compris, il y a une réponse à une réponse de je sais pas trop quoi, j'ai oublié. Et là, le quartier, il est énervé et un peu trop. Prenons immédiatement la tête des gendarmes, mais je ne sais pas, remettons de l'ordre un peu ici, ce n'est pas possible. N'est pas acceptable. Vous y allez si vous voulez, mais moi, je tiens à la vie. Hein. Je vous déconseille de passer par là. Bien. Où doivent arriver les gendarmes? Je sais pas. Moi, je sais pas moi qui gère ce poids-là. Moi, je devais juste être en mission à la base. J'attends qu'ils agissent. Vous pouvez attendre avec moi. Ouais, attendre avec moi. Bien, très chers collègues, très chers confrères. Je sais très bien que notre mission est plus urgente, mais nous ne pouvons laisser une insurrection, aussi bénigne soit-elle, en s'amplifier et s'emparer de toute la ville. Bien que nous sommes très loin des bas quartiers, je ne pense pas que nous souhaiterions voir la populace s'exciter un peu plus. Je propose de nous attarder un peu ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais que nous avons d'autres projets urgents, mais je ne pense pas que nous devons laisser les choses empirer. Si nous n'agissons pas maintenant, peut-être toute la ville sera contaminée du jour au lendemain. Qui sait? Et puis je serais curieux quand même de savoir la réponse de la réponse. C'est ce que j'allais dire, ouais. Peut-être que c'est pas l'occasion de connaître exactement la teneur du message. C'est le quartier dans lequel on devait aller pour voir le médecin ou c'était sur le chemin, ça? C'est sur le chemin. Ah, d'accord. De toute manière, a priori, tout le monde veut s'en occuper, donc je peux pas dire ah bah non, passons par ailleurs. Donc. On s'en fout, ça sert à rien. On peut s'en occuper. Cependant, si on doit s'aventurer sur ce territoire, autant qu'on enlève nos tenues de métropolite aux premiers abords. Hein, oui, hein. Bonne idée. Voilà. Ok. En espérant que personne ne se souvienne de nous. Aucune raison. On n'a pas marché devant absolument tout le monde pour récupérer la feuille. Où il n'y a pas eu de discours, il n'y a plus de... Oui. Quoi qu'il en soit, vous décidez donc de vous changer, sachant que vous êtes complètement sous la pluie, donc ça va être un peu compliqué, pas au sens pour changer, mais juste, en fait, vous passez de tenue trempée à des tenues trempées, donc ça va être un peu chiant, en fait, pour vous. Et... Bah dites-moi ce que vous comptez faire, en fait, concrètement, en gros, que faites-vous? Moi, je propose qu'on essaye de s'aventurer un peu dans le quartier, qu'on aille voir, je sais pas si... Qu'est-ce qui se passe, s'il y a des barricades, essayer d'aller à l'arbre, ou essayer d'aller vers un entrepôt, en tout cas. Pour s'enquérir de la situation du quartier. Moi, perso, c'est vraiment le message... Qui a mis le feu aux poudres, en gros, que j'aimerais connaître. Le quartier, quand vous rentrez, sur les premières maths, a l'air plutôt tranquille et normal. Hein. Mais en fait, rapidement, après quelques petits tournants à devoir traverser, effectivement, vous tombez sur les premiers signes de cette insurrection. Il y a des petites barricades qui sont installées. Si pour le coup, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, vous entendez plus vous avancez, plus vous attendez effectivement un bruit de foule un peu ambiant. Vous passez les premières barricades. Oui. Vous passez les premières barricades. Et simplement, au bout de quelques mètres, un homme vous arrête. Fait, vous. Salut, compagnon. Ouais, c'est moi le souci. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous venez d'où? On a entendu que ça chauffait. On voulait en être. On veut le savoir. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu quoi? Bah, je sais pas, d'ici et là, ça, on dit que des gars ont mis des barricades, ça commence à se rameuter dans le coin. Donc nous, tout de suite, on est venus. Ah, t'es perspicace, toi. Ouais, on veut tirer sur des métropolites. Ouais. Vous êtes pas des bleus, vous êtes pas n'importe quoi là de. Quand tu dis ça. Il y a personne qui veut se joindre à ça, ça ouais, on serait les seuls à venir. Oh non non non mais bon, vous êtes un peu louche quoi, c'est tout. Ouais. Bah, explique-nous, c'est quoi, c'est genre j'ai entendu parler, c'est quoi, c'est la Veridici, c'est ça? Ouais ouais ouais, ouais c'est ça. Ah c'est trop bien, moi on en a parlé et tout, c'est vraiment véritablement un artiste de qualité. Qu'est-ce qu'il a mis encore? Il a mis un poème, tu pourras aller voir plus là-bas. Allez-y et restez sage. Ah j'adore sa verve. Merci beaucoup compagnon. Et du coup, enfin, je veux dire, ça depuis quand tout ce joyeux raffut Hier soir, on a tenu toute la nuit avant que ces cons le remarquent. Excuse-moi, ah c'est con de métropolite. Hein. Non, t'inquiète pas, c'est pas comme si on était des gens polis. Nous, on dit des gros mots. Hein. Ouais, ouais. On n'en a pas peur. Allez, salut, compagnie. La il vous laisse avec un regard quand même suspicieux. Hein. Vous le voyez que c'est pas non plus les grandes portes ouvertes. Et vous arrivez sur la fameuse place de l'arbre. Sur la place, hein, pour expliquer, il y a vraiment un gros attroupement, plein de gens qui sont en discuter. Et vous savez, pour l'instant, c'est une interaction qui est, entre guillemets, plutôt calme. Hein. Il n'y a pas d'affrontement, il n'y a rien. Et de toute façon, il n'y a personne actuellement qui viendrait mettre l'ordre en désordre. Je n'avais pas la fin de cette phrase, pardon. Et quoi qu'il en soit, eh bien, vous êtes là et très rapidement, vous remarquez, hein, pour... parce que j'ai cru comprendre que c'était votre objectif, que sur l'arbre, en tout cas, rien n'est affiché. Mais les gens continuent de discuter. Enfin, il y a vraiment un gros bruit, il y a vraiment énormément de gens. Et je vous laisse, si vous voulez, bah, soit parler à quelqu'un, soit fouiller, soit dites-moi tout. Je propose qu'on essaye d'interroger un groupe, encore une fois. Je sais pas, une personne, quoi. Et genre. Salut compagnon, excuse-moi de te déranger. Avec les camarades, là, on débarque de la base vide. On a entendu qu'il y avait des grabuges et on aimerait en être. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi vous voulez en être? Parce que. Tout simplement, moi. Je suis un très grand fan de la Veridici. Ah, j'ai lu son dernier poème là sur celui qui a été arraché là. J'en ai entendu des trucs là, des bruits, bah, c'est pareil. Et tout. Et, moi, je suis complètement d'accord. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est justement pour ça qu'on est là. Ah bah super. Et du coup, il y a un nouveau poème ou je sais pas. Ouais, ouais, il y en a un, il a été lu ce matin, et là, il est en déplacement. Ah, diantre, on l'a loupé, tu sais où est-ce qu'il est? On aimerait bien l'entendre. En déplacement. Ah, tu peux pas nous en dire plus, compagnon? Bah, faut se dire qu'on se connaît pas enfin, on se connaît pas depuis très longtemps, si je peux me permettre, hein. Ah, désolé, je me suis pas présenté. Vous attendez, d'ailleurs. Je m'appelle Michel, je viens d'Antapoli et puis je travaille dans un bureau d'études du chemin de fer d'un présent. Enchanté. Moi, c'est ouais, Michel ici. Ah, t'es de Venise, toi, du coup. Enfin, j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. Et tes copains, là? Ah, bah, ça, c'est des collègues. Ouais. On fait partie du même syndicat. Enfin, t'en parles pas. Hein. Le syndicat des traceurs et des ingénieurs du bureau d'études de la compagnie antapolienne des chemins de fer à Venise. Esther, j'ai une question pour toi. Oui. ton bras, ton fameux bras, quand tu es en tenue civile, est-ce qu'il est plutôt du genre camouflé ou est-ce qu'il se voit si tu regardes au niveau des mains, enfin, comment en fait tu habilles ça? Pour moi, quand je le mets en tenue civile, généralement, je mets quand même des gants pour en effet le cacher, okay. Parce que c'est vrai que bah, l'intérêt d'être en civil, c'est de passer inaperçu, et des gens avec des bras métalliques, il n'y en a pas d'état, donc... Sauf oh, si je n'avais pas de quoi, a priori, je l'ai camouflé. Oh, je considère que tu avais quand même ce qu'il faut, parce que tu as l'habitude, c'est les vêtements que tu as sur toi, quoi. Très bien, et eh bien tu vois qu'il vaut rien, fait bon. Dites-moi, mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? Parce que bon, vouloir faire la bagarre, c'est bien très beau, mais on n'est pas là que pour ça, nous. Bah justement, on va entendre le poème là. C'est surtout ça qui nous intéresse en fait. Puis faut le partager à le plus de monde possible, quoi. Ouais, justement, il est en déplacement pour ça. Je suis désolé, hein, vous serez venu ce matin, vous l'aurez entendu, hein, on a refait une lecture, tout ça, mais là, en fait, il n'est pas là, quoi. Bon, ça, il est parti dans un autre quartier. Ça parlait de quoi? Ça parlait de quoi? Moi, je m'en fous de la poésie, je veux savoir de quoi ça parlait. Ça parlait de tous ces écornifleurs, tu sais, c'est ceux qui sont venus récemment, là, le ministère de la guerre, le ministère de la propagande... C'est ceux qui sont mêlés à l'artistocratie de Venise, quoi, et qui s'en rendent foutre en l'air la ville. Voilà de quoi ça parle. Ouais, c'est vrai. On est en train de se foutre de notre gueule. Mais ouais. Carrément. Ouais, on a entendu parler, nous, des meurtriers, tout ça, là. Il y en a plein, là, qui courent les rues. On nous cache des choses. On nous ment. On nous ment. Ouais. Ouais. Hein? Ouais. C'est où qui vont tous les gens qui disparaissent, qu'on sait pas où ils sont. Des gens qui tombent dans les crimes, comme ça, comme par hasard. Ouais. Sûrement encore un coup des métropolites. Ouais. Métropolites. Ceux-là, c'est les pires. Intérieurement, Esther se dit qu'on est peut-être un peu en train d'en faire trop. Je pense que tout le monde a l'air d'être à peu près ok, et t'as juste 4 randoms qui sont vraiment... On vient juste d'arriver, c'est pour ça, on est... Tu vois. Les métropolites, c'est les pieds. Ouais, c'est tout, des collés montés. Tous les quatre du QG Indigo. Et sinon, il est en déplacement, mais où? On sait où il va? Vers un quartier, je suis désolé, mais je raconte pas ça au premier venu, tu sais, on sait jamais. Ouais, enfin bon, à un moment donné, tout le monde va le savoir. Après, ouais, je sais ouais, pas. Tout le monde va le savoir, attends, ouais. Venu. On connaît bien le fracave, je sais pas si t'en as entendu parler. Non, non. Ouais, c'est quand même des mecs super importants, quoi. Enfin, je veux dire, pas si tu savais, mais quand même des rumeurs qui disent que la Vérédity ferait partie de leur groupe, quoi. C'est quand même un sacré truc, quoi. Je sais pas si t'en as entendu parler, mais genre, ces mecs, ils rigolent pas, quoi. Non, non c'est qui? C'est des gens, en fait, c'est des vétérans, et eux, ils ont compris comment le système marchait. Et c'est eux qui vont faire en sorte que ça change, je crois. Ouais. Et tu devrais t'intéresser à eux, parce que franchement, ça, c'est des gens qui vont changer le monde. Et moi, je les suis de très près. Ils sont dans le quartier aussi. Mais c'est hyper secret. Et dans ce cas-là, ils sont... Justement, je te dis, c'est hyper secret. Pour être déjà allé à leur réunion, eh ben, crois-moi que c'est pas facile d'y rentrer. Mais tu vois, c'est pour te dire... Non, on n'est pas secret. Et on est ici. Vous connaissez Kaino aussi? Non, je crois pas. Kaino Innsmouth? Ouais, voilà. Non. C'est qui? C'est un mec de votre groupe, là? Non, c'est un autre syndicaliste, c'est lui qui nous a dit de faire un syndicat. Ouais, et syndicaliste où? Je connais, je suis syndicaliste. Ah oui? Ouais. Bah, il était aux usines Benedacci il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a quelques... Ouais. Il y a quelques temps. Hein. Ouais, j'ai voulu dire que ça avait fermé, donc bon, ça m'étonnerait qu'il y soit encore. Hein. Mais ouais, bah, je vois, il est plutôt du côté du sud. Enfin, encore plus au sud qu'ici. Exactement. Et ce poème-là, il parlait aussi du poème d'avant, pas celui de la même personne, celui de l'autre, là, qui est arrivé après, qui a un autre nom. Ouais, le chevalier d'industrie, là. Ouais, bah, c'est une réponse, ouais. Genre quand il est arrivé, on savait pas trop quoi penser de ce poème, mais... Vous savez ce qu'il se dit ? Vas-y, raconte. On pense que c'est une réponse du ministère de la Propagande. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ça tire pas la route. Déjà, tu prends un nom très commun qui ressemble, tu sens vraiment que c'est juste fait pour provoquer. Enfin, genre, c'était juste pour amener le fait que, oh là là, regardez, nous on est gentils. Alors que, à cause d'eux, Venise sombre, de jour en jour. Et ils font de la poésie au ministère de la Propagande. Je croyais que leur spécialité, c'est de faire disparaître des gens. Qu'est-ce qu'on en sait ? Ils ont peut-être recruté un auteur, qu'est-ce que... Ah, ils sont partout maintenant. Ça veut dire ils viennent jusque chez nous pour foutre la merde. Les espèces d'enfoirés. On le sait. Le moindre truc, ils débarquent là, fiers comme des paons là devant nous. Il faut qu'on dise amen à tout, et ils nous torturent, et ils nous frappent comme je sais pas quoi, et nous, petite merde, on n'a rien droit de dire. De toute façon, c'est à chaque fois pareil, vous le savez. T'as l'air d'avoir un vécu bien sombre. Ouais, bien sûr, combien de fois je me suis fait attraper par ces merdeux. Ils l'ont suspendu au-dessus de l'écrit, il n'y a pas plus de 2 mois. Ouais. J'ai bien cru que j'allais y rester cette fois-ci. Ok, je... C'est pas ce que tu fais, mais chouette. Ouais, pour des coups. Ils m'ont jamais suspendu, mais... Ah bah, je te dis qu'on a des affaires très discrètes. Tu sais, dès que tu commences à critiquer le système, tu commences à essayer de changer les choses, bah tout de suite, tu les vois débarquer. Hein. C'est pas le ministère de la Propagande pour rien. Hein. Ils nous racontent toute leur merde, leurs mensonges sur ces trucs et ces machins. Et puis nous, on doit dire c'est comme ça, et puis c'est tout, et rien ne change. Ça commence à suffire maintenant. Et je vois bien, ça me fait plaisir de voir que les gens commencent à réaliser un peu ce qui se passe et qu'ils se bougent. Même toi, tu commenceras, tu verras, tu feras partie de ces gens. Rien que ta suspicion envers nous, c'est déjà une bonne chose. Ça prouve que tu as conscience de tout ce qui se passe. C'est vrai que t'as raison, parce que n'importe qui ici, ça pourrait être un métropolitain infiltré, tout le monde. Exactement. En train de nous parler, de faire genre comme si c'était nos camarades, alors que c'est juste des putains d'enfoirés de chevaliers d'industrie. C'est la raison pour laquelle je ne donne pas à n'importe qui où se trouve le poème à l'heure actuelle. Tu fais bien. Mais t'as doublement raison. Bon, et sinon, vous souhaitez quelque chose particulièrement ou... Moi, j'allais dire. Ouais, bah c'est, ouais. C'est quand le prochain passage du poème, du coup? Avec de la chance, il sera lu assez rapidement, on espère, cet après-midi. Ok. Et sinon, ça consiste en quoi, du coup, l'insurrection qu'en ce moment, c'est... Pour l'instant, on sécurise juste les quartiers. On fait en sorte qu'il n'y a pas de ministère de la guerre, de ministère de la propagande qui rentre. Et comme ça, on peut vivre selon les règles de l'artistocratie, les règles de ceux qui savent diriger une ville, comme Venise. Ah, donc vous... Ouais, donc c'est pour l'aristocratie contre les ministères... Mais bien sûr, eux, ils ont toujours su mener la ville. Son époque de gloire, c'était quand ? C'était quand il y avait le ministère ou c'était avant ? Ah, c'est bien la série, tout ça. C'est depuis quel ministère ils apportent la peste avec eux et encore pire comme maladie. Moi, je regrette beaucoup la Doge Baleati. Ça va. C'était... Il y a longtemps. C'était le bon temps. Ouais, ça c'est clair. Hein. Après, c'est elle qui... Elle a fait venir le ministère. Alors ouais, moi à l'époque, je l'avais soutenue, je pensais qu'elle avait raison, tu vois. Mais à quel prix ? Elle s'est fait dépasser. Après, bon, il faut aussi savoir que, en tout cas, d'après les rumeurs, même à l'intérieur des ministères, Les choses sont relativement compliquées, les employés sont harcelés, menacés et parfois même maltraités. Je dis pas qu'il faut les excuser, hein, mais voilà. L'artistocratie, la bonne qui fonctionne, pas de problème. Le système, il fonctionne maintenant depuis 500 ans, 1000 ans, je sais même plus quel âge à Venise. Donc on est d'accord. Ouais. Complètement. Bon, je vous repose la question, mais moi je vais avoir à faire, faut que j'organise 2-3 trucs là. Non, mais on va te laisser tranquille. Vous avez besoin d'informations, vous avez besoin d'un truc avant que je parte? On va pas te déranger plus que ça, t'organises beaucoup de trucs toi? T'es au centre de tout ouais. ça ouais, Au centre, non, ouais. Je réfléchis pas seul, mais ouais, je fais partie de l'orga principal. Et en gros, ici c'est qui, genre, on va dire... Le mec qui prend un peu l'initiative et tout, enfin, tu sais, un mec important parce qu'on a des choses à proposer, nous, en fait. Mais, tu sais, on peut pas en parler à tout le monde, quoi. Ouais, bah, c'est tout le monde, tu vois, on fait en sorte qu'il y ait une égalité. C'est quoi ton blaze, Et mec c'est pour qu'on sache à qui on parle, quand même. Mon nom, parce que Blaze est un peu trop vénère. Ouais, non, parce que là, j'ai à la rue, à la street. Non, je comprends, j'ai aussi une session où j'étais un peu trop moderne, parce que des fois, c'est un peu compliqué. C'est quoi ton étiquette? Ah, faites pas gaffe, il vient du Gloriana, il utilise plein de mots bizarres comme ça. Je crois qu'il parle comme ça, un peu en Rhodésie ou je sais pas quoi. Non, mon nom, j'ai déjà dit. Moi, c'est Lucian Tini. Enfin, ouais, du coup, il tourne les talons. Et tout simplement, vous laisse là un peu planté sous la pluie, quoi. Bon, remarquez d'ailleurs que personne n'a l'air de broncher alors qu'ils se prennent une énorme tempête hein, dans la figure. Mais il semblerait que le fait de sécuriser le quartier soit un peu plus important à l'heure actuelle. Bon, clairement. C'est pas trop ce que j'imaginais comme genre de rassemblement en fait. De dire que c'est les aristos qui se montent contre les ministères. Ouais. Alors, vu le quartier, c'est pas surprenant. Surtout vu le poème en fait. Parce que les poèmes, ça soulève pas les gens normalement. Hein. Il y a vraiment des gens qui ont pas grand chose à faire pour se lever pour ça. Ouais. Ah bon. Est-ce que c'est si dangereux que ça? Parce qu'au final, ils ont même pas de chef. Ils font l'égalité. Ils ont même pas d'armes, surtout. Moi, je pense qu'on pourrait retourner à ce qu'on fait, en fait. Perso. Oui. On a un nom déjà. C'est lui qu'on ira à la question. C'est lui qu'on ira à questionner. Eh, tu nous remets? Ok, donc. Finalement, on essaie de laisser un peu ça sous le tapis, j'ai envie de dire. Eh bien, ok. Au moins, vous savez un peu à quoi vous aurez affaire, un peu quelle est l'ambiance, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est déjà une bonne chose, parce qu'on ne sait-on jamais si vraiment ça peut déraper. Au moins, vous avez un nom, vous avez quelques visages, vous avez pu voir un peu. Et vous savez que le poème va être diffusé ailleurs, puisqu'il est en déplacement. Vous reprenez la route. Direction. Oui, vas-y, oui, vas-y. Juste, c'est pas possible d'essayer de retrouver le métropolite qu'on a vu tout à l'heure. Bien sûr. Est-ce que c'est possible de prévenir du coup le métropolite, de juste lui dire d'envoyer un gendarme en civil, ou je sais pas qui, n'importe qui, de bien voir que ces gens sont pas dangereux et que ils sont. Voilà. C'est juste pour savoir ce que va dire le poème. Ok. Tu le préviens, lui il va essayer de faire tourner le message, mais préviens que c'est pas un haut gradé, quoi. C'est pas lui qui donne une décision. D'ailleurs, vous remarquez que vous êtes même plus gradé que lui. Et bah, dites que c'est ordre de la cellule inter-empire des métropolites. Il dit ok, et puis il prend note. Direction. Votre mise à la gêne. Vous allez devoir pédaler encore une bonne partie de la matinée, et à vrai dire, même du midi. Mais vous finissez par arriver au tout début de l'après-midi. Après peut-être une petite pause repas, histoire quand même d'avoir le ventre plein. Vous rendez donc visite au médecin, à l'ancien médecin d'Elena Valetti. Et je vous laisse donc. Vous arrivez en fait chez lui, je le fais quand même. Voilà. Vous arrivez devant chez lui, vous allez pouvoir tout simplement toquer, vous signaler et me dire du coup en gros, est-ce que vous voulez discuter avant, est-ce que vous avez une technique, est-ce que. Oui, bonne question d'ailleurs, est-ce que vous vous changez, est-ce que vous reprenez la tenue de métropolite? Dites-moi tout en fait, toute l'installation, tout le. Bon, je pense, oui. En même temps, Kornilov et moi, il nous a déjà vus, donc il va nous reconnaître. Hein, on est. Alors, soit ça fait plus sérieux de venir en tenue. Soit le fait qu'on ne soit pas en tenue, ça va les faire craindre pour sa vie en mode visite non officielle. Je sais pas si visite non officielle, ça fait aussi peur que visite officielle au final dans le monde dans lequel on est. Pardon, j'ai pas compris. Je sais pas si au final ça fait pas plus peur les uniformes vu le monde dans lequel on est. Oui. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Dans tous les cas, vu le monde dans lequel on est, c'est quand même une expression un petit peu étrange. Mais bon, pourquoi pas. Du coup, vous prenez les tenues métropolites, c'est ça? Ouais. Ok. Vous habillez donc, hein, vos tenues sont méga trempées hein, malgré tout, et donc vous colle à la peau, enfin, c'est très désagréable. Et même les vêtements qui étaient en dessous, qui servaient de protection, bah, pour le coup, sont aussi méga trempés, parce que vous étiez en civil tout à l'heure, donc... clairement, voilà, c'est un petit détail, mais vous êtes quand même dans une situation assez inconfortable. Hein. Vous êtes un peu gêné dans vos mouvements, dans le truc. C'est vraiment le truc, c'est désagréable, quoi, du vêtement qui colle à la peau. Et vous toquez. Et je vous laisse d'ailleurs pendant que vous toquez. Si vous voulez discuter aussi de si vous avez une stratégie, si vous y allez comme ça, considérez que le temps qui marche pour ouvrir la porte, vous avez le temps de discuter, est-ce que vous aurez pu discuter avant, etc. Dites-moi tout. Bah. Personnellement, de mon côté, je n'étais pas super chaud pour qu'on fasse ça. Mon idée première, c'était que on les confronte les deux. Sauf que, bon, bah, Kornilov et Hugo ont été assez véhéments par rapport au fait qu'ils voulaient le questionner, lui et pas un autre. Alors, moi, je vais être assez un peu dans la. Dans un premier temps, pour ma part, je serai un peu dans l'attente. Je laisserai un petit peu les deux autres diriger. Je suppose que de son côté, Esther, vu qu'elle aussi, elle est dans l'idée que c'est plus le majordome qui nous raconte des cracks, elle sera peut-être un peu dans la même situation que moi. Mais enfin, moi, je laisse Kornilov et Hugo prendre la main. Et justement, avant de rentrer, tout gros, si c'est le cas, plus particulièrement Kornilov, tout le monde, établissons une petite stratégie. Je ne sais pas, nous pourrions faire un gentil métropolite et un méchant métropolite, par exemple, établir ce genre de stratégie. Ou bien juste nous accorder sur ce que nous allons dire, sur comment nous allons pouvoir le mettre à la gêne afin qu'il passe aux aveux. Bah, j'ai envie de dire des idées. On sera naturellement des gentils métropolites. Enfin, pour ma part, parce que j'étais pas pris parti pour ça, donc je vais être gentil et plutôt de son côté, un petit peu, parce que comme vous en avez parlé de façon assez violente. Sur la manière dont vous alliez le questionner. Enfin, peut-être pas toi, Kornilov, mais Hugo, il était en mode... il va y aller franco. Ouais, je vais être vraiment plus souple avec lui. Voilà. Ok, donc il y aura un good cop, un gentil métropolite. C'est noté. Il y aura sûrement un méchant qui sera sûrement toi, Hugo. Tu fais bien le boulot, a priori. Ok. Je propose cependant qu'on arrive au point où on le rencontre. On essaye quand même d'être gentil au début, histoire qu'il nous accueille dans son bureau, etc. Et qu'une fois comme ça, une fois qu'on est à l'offensive, il est secoué, choqué, il est désarçonné dans sa position. Et on lui dit clairement, dès qu'on commence à le secouer, on lui dit clairement qu'on sait qu'il ment. Mensonge qui est, je le rappelle... qu'il n'a pas été rejeté par la famille ou quoi que ce soit pendant les derniers temps de Valetti, il serait resté jusqu'à sa mort, d'après le majordome. C'est ça. C'est bien ça. Oui, oui. Il a été le médecin de Baletti. Je suis pas vous. Arrange ce coup jusqu'à ce qu'il donne la vérité. Vous êtes étonné. Ok. Si c'est bon, et ben vous entendez tout simplement la porte s'ouvrir. Hein. Et devant vous, le visage maintenant que vous connaissez bien, celui-là, d'Ernest Confortini, qui perd un peu son sourire hein, quand il vous voit la visite métropolite, fait rarement plaisir. Et vous voyez, messieurs. Bonjour, eh bien nous comme on vous rappelait avec mon camarade ici présent, nous étions venus vous voir par rapport à Madame Baletti. Et nous souhaitions justement évoquer 2-3 détails avec vous par rapport à cette affaire, des détails un peu flous qu'on aurait aimé évoquer avec vous. Est-ce que c'est possible de rentrer, d'en discuter tranquillement? Si cela ne vous dérange pas, nous ne souhaiterions en aucun cas vous importuner, bien sûr. Eh bien, écoutez, si mestie est, hein, et vous voyez qu'il se tourne et vous laisse rentrer. Merci. Eh bien, vous rentrez et vous voyez que tout simplement il vous amène directement vers un petit bureau de travail qui a vraiment une petite salle isolée réellement pour éviter qu'on entende, etc. Il vous fait rentrer dedans et s'assoit tout simplement au niveau de son bureau à lui et vous laisse vous asseoir en face. Eh bien, merci de nous avoir, de nous accueillir pour parler de ça. Je vais donc laisser mes camarades ici présents. Donc, je montre Hugo et Kornilov, et probablement Esther, hein, si elle le souhaite, pour évoquer justement ces sujets assez troubles. Eh bien, oui. Donc, la dernière fois, nos collègues. Nous avions interrogé sur Madame Baletti, feu Madame Baletti, dont vous avez été le médecin. Nous vous avions demandé plus précisément si jamais vous étiez resté avec elle jusqu'à ses derniers instants, dans les derniers mois de sa vie. Ce que, bien sûr, vous nous avez répondu négativement. Et ce qui nous est tout à fait. Mais donc, au fur et à mesure de notre investigation, même si je vous accorde il y a peu, parmi tous les autres témoignages que nous avons pu recueillir, des contradictions, si je puis dire, semblent se souligner. À vrai dire, tout le monde ne s'accorde pas, les versions sont très différentes d'une personne à l'autre. Et donc, nous souhaiterions réavoir votre version, si vous le souhaitez bien. Et bien sûr, avoir peut-être un peu plus de précision, même si je sais que, d'après ce que vous nous dites, vous n'avez pas pu être là. Donc, bien sûr, vous allez donc avoir des difficultés à nous préciser tout, enfin, plus de choses. Vous avez tout dit. Que voulez-vous que je dise de plus? D'abord, j'aimerais juste que vous me répétiez tout simplement ce que vous nous avez dit. Mot pour mot, s'il le faut. Mot pour mot, s'il le faut. Hein. Je ne veux pas vous embêter à refaire une formulation creuse, bien sûr. Je n'ai guère souvenir de ce que je vous ai dit mot pour mot, mais. Vous m'avez juste demandé si j'étais avec elle jusqu'à ces derniers instants. Je vous ai répondu que non, puisqu'il y a eu un médecin qui a pris la relève contre contre mes compétences, disons. Et là où je pensais, moi, pouvoir soigner Madame Baletti, il semblerait que ce médecin l'a menée à la mort. Et tout simplement, Ce médecin, je n'ai pas son identité. C'est la seule chose dont je me souviens, c'est à Monsieur 2. D'ailleurs, j'ai... Vous n'avez pas de nouvelles par rapport à ceci. Alors, j'ai une nouvelle, mais malheureusement, le nom n'y figure pas. Mon souvenir était erroné. Quand il nous dit ça, tout ce qu'il vient de dire, comment on sait au niveau de sa tête? Est-ce qu'il semble, je sais pas, avoir une lueur dans les yeux, quelque chose? Enfin, qu'est-ce que son visage exprime Son visage exprime l'inconfort. Mais chose qui est compréhensible, hein. Vous êtes 4 métropolites en tenue, sachant que la dernière fois ils étaient 2, il y a quand même un côté, on est venu plus nombreux, c'est jamais rassurant. Et puis vu le sujet, il est personnellement touché par ça, et sinon son visage est quand même assez neutre, quoi. C'est quelqu'un qui répond à un ordre et qui remonte dans ses souvenirs pour se souvenir de quoi parler à la discussion. Donc vous dites aucune trace, c'est bien cela? Non, j'ai souvenir d'une plaque dans laquelle Madame Baletti me donnait son nom, mais j'ai retrouvé la plaque que j'ai reçue de Madame Baletti, mais son nom n'était pas mentionné. Peut-être c'était sur une deuxième plaque, je m'en souviens plus, c'était il y a 6 ans quand même. Vous l'avez retrouvée donc? Oui, j'ai cette plaque-là. Vous pouvez nous la donner? Oui. Tu vois que il ouvre un tiroir qui est à sa droite et bah vous donne tout simplement une plaque de métal, hein, sur lequel il y a les mots d'Elena Baletti, écrit, enfin signé par Elena Baletti, signalant que Alors je vous le fais en gros parce que j'ai pas le texte là directement, mais je vous envoie le texte dès que je l'ai. Mais en gros, à partir de je crois que c'est fin Verdet, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, à partir d'une date, je suis désolé, hein, je suis en train de rechercher le texte. Qu'au niveau d'une certaine date, tout simplement, j'ai pas la formulation, mais il est retrait de ses fonctions. J'ai plus le. Vous m'avez compris. Je suis désolé, j'ai pas la formulation en tête, mais en gros. Il est remercié, voilà, merci beaucoup, c'est plus joliment dit. Voilà, il est remercié et tout simplement que le traitement sera suivi différemment parce que apparemment Madame Baletti ne serait pas convaincue des méthodes du médecin. Il est daté ce document? Alors il est daté, il n'est pas daté au niveau de la signature, mais la seule date que tu as du coup c'est celle du début et qui est celle du coup de je te dis ça. Est-ce qu'il est daté de... Ouais, ça est daté de la troisième lune de Verdet 1125. Parce que c'est la date où tu... En gros, elle dit qu'elle ne le prendra plus comme médecin. Quoi qu'il en soit, quand même, je prends la plaque et je la passe à Esther, parce qu'a priori, c'est celle qui s'y connaît plus en métal ici. Donc, je vais savoir si peut-être il y a un truc qui indiquerait que c'est plus récent que ça, ou si c'est vraiment tout poussiéreux. J'essaie de check d'expérience, notamment peut-être au niveau de dépôts de rouille ou de marques, un petit peu. Enfin, j'ai pas les connaissances moi dans la vraie vie, mais mon personnage les a, donc je fais un petit check-up. Je le retourne, je le regarde un petit peu à la lumière, je gratte légèrement pour voir comment est-ce que c'est en dessous. Est-ce que c'est seulement abîmé, totalement surface ou pas. Alors, c'est du cuivre, hein, les plaques. Si je me souviens bien. C'est du cuivre. Oui, juste un peu en respect, mais le cuivre, ça s'oxyde et ça devient très vert, en fait, avec le temps, normalement. Voilà. Ok, parfait. Et justement, tu le remarques assez rapidement, mais c'est une plaque qui est ancienne. Ça se voit qu'il y a des années, d'ailleurs, c'est même étonnant parce que. Vous n'avez pas l'habitude, hein, de voir beaucoup les plaques vieillir, puisque elles sont fondues immédiatement et toujours, vous savez, dans ce truc de récupérer de la ressource. Mais celle-ci, ouais, elle a quand même des traces où, Esther, tu dis qu'elle a l'air plutôt ancienne. Ok, d'accord. Bah, je le communique aux autres plutôt à voix basse derrière, sans trop qu'ils l'entendent, mais il n'y a pas de manière complètement planquée. Mmh. bien bienveillant. Tout ceci est très intéressant. Nous prenons cette plaque. Elle est désormais pièce à conviction de cette enquête. Okay, si vous pourrez... Maintenant Me la rendre après. Non, nous vous la rendrons quand nous jugerons que cela est nécessaire. Maintenant, donc, je disais, avant que vous ne coupiez la parole de façon très impromptue et en dépit des lois les plus basiques de la politesse, voulez-vous m'expliquer pourquoi, donc, quand j'interroge la famille Baleati, le majordome de la Madame Baleati, tout l'entourage qui l'aurait vu, même ses plus proches amis, je ne sais pas, Monsieur de Cuivre, par exemple, pourquoi, quand je les interroge tous et qu'ils m'avouent tous que vous avez resté et que vous avez passé du temps avec Madame Baleati dans ces derniers jours. Expliquez-moi, monsieur le docteur, expliquez-moi, car je n'aime pas qu'on se fiche de moi et de ma fonction. Je représente le ministère de la propagande, monsieur. Et si jamais vous voulez jouer de moi, vous allez jouer à un jeu que je vous assure que vous regrettez. Et je vous préviens que si jamais vous recommencez une seule fois à me mentir en me regardant dans le blanc des yeux, je vais vous pendre au-dessus de l'écrime avec une paire de chaînes. Est-ce que c'est très clair? Est-ce que je peux faire un jet de représentation théâtre pour prendre un air très sévère et méchant et percé? Oh, c'est oh. Échelle le sud des crimes. Je sais pas. Ou pas, pourquoi pas. Hein. Enfin, je pense pas. Après, ça ne changera pas énormément de choses non plus, mais ça peut influer. J'en ai marre des gens qui mentent, putain. Parce que. On va arrêter d'interroger les gens gentiment. On va tous à chaque fois les attacher au-dessus de l'écrime. Ok. Tu vois qu'il se recule un peu. Hein, peu surpris, vraiment, de ton propos. Et simplement qu'il hausse les épaules. Bien. Moi, je n'ai pas d'explication. Je ne saurais dire pourquoi certains prétendent des choses qui ne sont pas vraies, mais. Comment la famille Baleti et déjà il me semble pas qu'elle était vraiment proche de Monsieur de Cuivre, mais de ce que je sais la famille Baleti déjà à l'époque où je la soignais ne prenait plus trop de contact malgré quelques envies, mais Madame Baleti cherchait à rester plutôt éloignée d'eux. Du coup, peut-être qu'ils ont juste pas été mis au courant. Quant à son majordome, pour le coup, il est bel et bien au courant, puisque bien, il était là. Hein. Il fait partie des personnes qui restaient avec elle jusqu'à ces derniers jours, et... Tout simplement. J'ai pas d'autres explications, je suis désolé. Mais ne vous méprenez pas sur mes intentions. Je n'ai guère envie de me moquer de votre fonction. Toujours son visage, ses expressions faciales, tout ça. Bon, pourquoi il parle de Monsieur de Cuivre? Je sais pas s'il en parle. On a parlé. Ouais, mais pourquoi le bluff? Ah, d'accord. J'ai raté ton bluff alors. Quant à son expression, comme j'ai dit, il avait un visage plutôt surpris et plutôt assez peiné hein, d'être dans cette situation-là, mais voilà, tout simplement, quelque chose d'un peu un peu sur soi, un peu visage chargé. Écoutez, Monsieur Confortini, comprenez bien, vous êtes absolument la seule personne qui nous ait parlé d'un remplacement de docteur. Tout le monde nous a toujours dit que vous avez toujours été son docteur du début à la fin. Personne n'est au courant? Personne. Ah, pourtant, vous avez la plaque. C'est vrai. Oui, et bien cette plaque, je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Je pense que je ne sais pas qui l'a fait. Mais j'ai ma petite idée, vous avez juste pris une plaque vieillie par le temps, vous avez pris un jeu des tempes et vous avez écrit dessus. Ou peut-être une personne et on vous l'a donné. Vous voyez ce que je veux dire? Je déteste quand on se fiche de ma personne. Oui, je vous en prie. continuez, développez, exprimez-vous, vous êtes libre. Vous, si, si, je vous ordonne de vous exprimer. Eh bien, je comprends pourquoi vous, votre enquête a du mal si vous êtes aussi catégorique sans aucune preuve, tout en vous respectant, mais vous m'avez demandé de m'exprimer, je le fais. Par contre, vraiment, je vous le dis, cette plaque m'a été donnée à l'époque, je n'ai plus vu Alena Baletti depuis, et visiblement, personne n'avait été mis au courant. Alors, je suis désolé que cela ne vous plaise pas, mais ce sont les faits, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je ne peux rien faire de plus, à vrai dire. Je m'en excuse, vraiment. Tiens, très bien. Pardon, allez-y, Cornu. Parlez-nous du majordome. Vous avez déjà eu des problèmes avec lui, à l'époque ? Non, non, notre relation était, ma foi, professionnelle, amicale. C'était un homme de confiance, très... très loyal envers Madame Baletti. Je comprends pas ce qu'il en est. C'est lui qui vous a amené cette plaque ? Ce n'est pas lui directement, c'est un messager, mais j'ai eu contact avec lui après, et il m'a confirmé les dires de cette plaque. Mais c'est comme ça que j'ai su que lui était resté en contact avec Madame Baletti, puisqu'il pouvait encore l'avoir, et il s'était chargé d'éviter que je vienne l'avoir. Notez bien qu'ayant cette plaque, je ne suis pas juste resté assis à ce bureau. J'ai essayé de voir Madame Baletti, pouvoir lui en parler, et le majordome m'en a empêché. Alors, je respecte tout à fait cet homme, et sachez que je comprends, c'est une question de loyauté, et niveau loyauté, je crois qu'on ne fait pas plus loyal que cet homme. Moi, personnellement, je suis dans le fond de la pièce. Je regarde un peu tout ce qui se passe. Je suis assez sceptique sur ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est la conviction de personnes contre ce que dit le médecin. Et pour moi, il est aussi sincère que le majordome. Il fait pas plus bizarre que l'autre, quoi. Donc, j'allais justement en dire que j'allais en discuter un petit peu avec toi, vu que nous on est un petit peu en retrait. Et justement, j'ai la plaque en main et justement, je te la montre en voyant que tu es l'air comme ça un petit peu circonspect. Et je me dis, mais et si jamais les deux disaient la vérité et que cette histoire de remplacement de médecin a été une machination quelconque? Quoi, que le médecin remplaçant aurait réussi à ressembler à ce médecin-là? Non, que tout le monde pense que les choses se sont passées comme elles auraient dû se passer, donc avec un seul médecin, mais que cette histoire de remplaçant était une espèce de soit de complot, soit d'arnaque, on va dire, dans le processus, parasité par un X ou Y personne qui aurait intérêt justement à semer le trouble. Je sais pas si c'est clair. Hein, mais en fait, là où forcément il y a quelqu'un qui ment, c'est que si on part du principe que le médecin en a parlé avec le majordome et que le majordome a confirmé le fait qu'il ne pouvait plus s'occuper d'elle, ça veut dire que le majordome savait que ce n'était pas lui, le médecin, et que auquel cas, il nous a menti. C'est vrai. C'est vrai. Donc, un des deux ment, mais honnêtement, pour moi, je ne pourrais pas dire que c'est le médecin, je ne pourrais pas dire que c'est le majordome. Vous avez eu l'occasion de lui faire la question après, savoir lequel des deux est plus fort que l'autre en mensonge. Mais je ne serais pas, comme Hugo et Kornilov, sûr de la culpabilité de ce médecin. Comme ça, d'un coup, parce que l'autre a, un sentiment de je ne sais pas quoi. Il a été une victime ou que sais-je, j'en sais rien. Enfin, je pense que c'est un peu réducteur de s'arrêter à ça. Bon, bien sûr, ça c'est un truc qu'on est entre nous. Hein. Vous vous entendez pas parce que vous êtes en train de vous acharner sur le. Je me retourne et je tabasse. Ah non, on parle doucement, on est là. Quant aux deux personnes qui sont en train de mener la mise à la gêne, l'interrogatoire, bah dites-moi un peu ce que vous faites. Bon, visiblement, alors on est d'accord qu'on est assis et lui il est derrière son bureau. Oui, c'est bien ça. Oui, oui. Je vais me lever, déjà. Je vais cesser d'être assis et je vais commencer à me déplacer un peu autour de la pièce et tout. Mais donc, expliquez-moi, docteur Confortini, comment se fait-il que le majordome, que toutes ces personnes que nous avons évoquées, ont une version différente que vous, alors que certaines ont pu côtoyer Madame Baliati dans les 6 derniers jours. Nous sommes bien d'accord que malgré sa quarantaine, les besoins les plus élémentaires de Madame Baliati ont été, comment dire, substantés. Alors pourquoi se fait-il que ces personnes nous expliquent que vous avez été le médecin, son médecin de chevet? Avez-vous un frère jumeau, monsieur? Avez-vous, je ne sais pas, un sosie, un espèce d'alter ego qui se prendrait, qui se baladerait avec votre visage, qu'il prendrait à la nuit, je ne sais pas? Je ne peux expliquer ce que je ne sais pas. La seule personne pour qui je sais que Madame Baliati a eu jusqu'à sa mort, c'est son majordome. Le reste, je sais très bien que Madame Baliati s'est isolée bien avant. Et si le majordome l'a dit, peut-être qu'il a oublié cette affaire, peut-être qu'il vous ment, peut-être qu'il s'est trompé. Je ne vais pas théoriser quelque chose dont je n'ai pas connaissance. Je ne sais pas. Ok, donc à ce moment-là, pendant que je parle, pendant qu'il parle, je vais me rapprocher de lui et de lui. Et je vais le saisir au col et je vais mettre à le secouer en me disant « Je veux la vérité! Dites-moi la vérité !» Il voit paniquer, tout simplement, vraiment être pris de tremblement. Enfin, mais je vous dis que je sais pas, je peux rien dire de plus. Parlez ou je vous jette dans les crèmes! Et tu vois commencer à avoir les larmes aux yeux, tout simplement, être pris par l'émotion, par la peur, et vraiment juste j'ai rien de plus, je vous ai tout dit. J'en ai fait massacrer pour moins que ça. Dites, parlez, si jamais vous voulez vivre. Tu le vois simplement commencer à bégayer. Je sais pas, je vous ai dit. S'il doit vous mentir, il y a que ça, ou avoir oublié. Est-ce que le ministère est passé vous voir? Nous savons tout. Ils vous ont dit quelque chose, ils vous avaient dit quelque chose. J'en suis sûr, vous êtes au courant de quelque chose. Vous nous cachez des choses. Je veux juste bégayer, pleurer et dire non. Go. Je vais me rapprocher, je vais essayer de poser, c'est pas vraiment, mais genre vaguement effleurer l'épaule de Hugo pour lui faire signe que, bon, a priori, voilà, ça va rien me continuer. Bon, bah, je vais le lâcher faire. Bien, ce sera tout. Vous répond pas. Eh bien, nous vous remercions de vous être prêté à notre interrogatoire. Nous vous prions d'absolument en aucun cas abruter quoi que ce soit, vous finirez l'entièreté de votre vie dans une geôle, ou pire, et nous vous souhaitons une bonne journée. Il répond pas, hein. Vous pouvez partir. Je vais... Je vais... Quand tout le monde sera sur le point de partir, je vais rester à l'intérieur. J'irai lui toucher un mot rapidement. Ok. Vous partez pendant qu'il lui, il est blotti vraiment dans un coin, choqué de ce qui s'est passé. Et alors que vous êtes en train de partir, vous voyez tout simplement Victor faire demi-tour au niveau de la porte et du coup rester dans la salle alors que vous êtes en train de traverser déjà la bâtisse. Ouais, Victor, dis-moi tout. Je me rapproche de lui de façon très calme. Hein, Monsieur Confortini, je suis vraiment désolé de ce qui vient de se passer. Mes camarades qui vous ont questionné sont à cran ces derniers temps. Il se passe énormément de choses et l'enquête met nos nerfs à rude épreuve. Je sais que c'est inacceptable d'avoir... tenu cet interrogatoire de cette manière, mais voilà, veuillez les en excuser. Je suis vraiment désolé de cette situation. Sachez que je leur en parlerai et j'essaierai de faire en sorte qu'ils viennent s'excuser. Par eux-mêmes un peu plus tard, mais en ce moment, je dois avouer que l'enquête est très prenante et on est très très stressé. Voilà. Et tu vois que je mets là un peu ma main sur son épaule, juste de façon très calme, tu vois, pour le rasseoir et le mettre bien sur sa chaise. Et après, j'attends même pas qu'il me réponde. Je le laisse tranquille et je m'en vais. Quand tu pars, le seul mot qu'il va prononcer, c'est quand tu arrives au nœud de la porte, il te dira « Ne revenez plus chez moi. » Et tu partiras. Quoi qu'il en soit, tu retrouves donc tes amis à l'extérieur. Et je vous laisse donc débriefer, me dire ce que vous voulez faire par la suite. Je vous écoute. Moi, je me dirige vers Hugo et je dis, écoute, Hugo, je sais à quel point tu veux résoudre cette enquête et que à quel point tu es impliqué. Mais je pense que tu as été un peu trop fort avec le médecin. J'aurais préféré que tu sois un peu plus souple et j'espère que ça ne va pas avoir de conséquences comme ça en a eu déjà une première fois. Mais non, enfin, être sûr que cet homme dit la vérité. Maintenant que nous sommes continués de cette tâche, on peut aller voir confiamment notre majordome, peut-être que cette fois-ci nous allons donc trouver la vraie Gitchi, si j'ose dire. Vous avez compris? Oui. Si vous voulez, je sais que vous êtes un être sensible, mais nous ne sommes pas la gendarmerie de quartier, vous comprenez bien, notre devoir implique de grandes responsabilités, et je suis prête à les assumer. Bien. Oui, j'ai bien conscience que nous avons des responsabilités, mais nous ne pouvons pas non plus faire n'importe quoi. Et les gens avec qui nous devons faire affaire, nous devons enquêter, sont des gens respectables. Et tout comme cela s'est passé avec Monsieur de Cuivre et le majordome, et au regard de la réaction de notre chef et ce qui s'en est suivi, je pense que nous devons être plus raisonnables et plus prudents sur la façon dont nous faisons notre travail. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Esther un petit peu pendant que vous étiez en train de voir ça avec lui, mais je compte parler de tout ça avec Cagno et lui faire. Étant donné que nous sommes quand même dans le flou par rapport à et le médecin et le majordome, peut-être le fait d'évoquer tout ça avec lui, peut-être saura-t-il nous donner quelques conseils ou peut-être débloquer une situation avant de nous mettre dans l'embarras. Tu fais ce que tu veux, évidemment, Victor, mais je sais pas ce qui t'a fait pendant votre séjour à deux, mais tu donnes peut-être un peu trop de confiance et peut-être un peu trop d'espoir en une âme humaine qui se trouverait dans son corps, parce que je te rappelle que c'est quelqu'un qui a menacé de tuer nos familles. Je sais. Mais vous n'avez pas, je n'étais pas présent, mais vous n'avez pas suivi le protocole avec certaines personnes et s'en est suivi une démonstration de force qui nous a juste donné le droit de nous taire. Je pense que si on prend un minimum de temps pour lui expliquer un petit peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je pense tout de même que son intérêt est quand même que notre enquête arrive à quelque chose. Et là, clairement, on se retrouve dans une impasse. Le médecin, le majordome, et on va pas aller les torturer les deux de façon infinie, hein, si je puis dire. Donc peut-être que si lui nous donne un conseil ou donne une autorisation quelconque, peut-être là on pourra agir en toute légalité et sans peur de reproches ou que sais-je. Parce que clairement, il y a un menteur entre les deux. Il y a un menteur. Non, c'est un coup monté à l'ambiqué, mais je vous... C'est... Ouais. Et si il s'avère que le menteur, c'est le majordome, eh bien, ça pourrait expliquer pas mal de choses. Personnellement, je préférerais que ce soit le majordome, parce que, au final, peut-être... Toute la théorie que tu mets en avant, Kornilov, pourrait être réellement celle-là, et qu'il a caché le fait que, via cette position, qu'elle est toujours vivante et qu'elle est présente parmi nous, sous couvert d'une autre identité, ou que sais-je, et couverte par son majordome. Sûrement. Honnêtement, si tu veux mon avis, tu devrais diriger cette enquête-là, cette partie-là de l'enquête. Je vais me remettre à ton jugement, à toi, pour la suite. Parce que je t'avoue que je ne fais plus du tout confiance à mes instincts maintenant. Je passe de l'un à l'autre et 1000 scénarios et j'en veux plus. Ouais, je comprends. Cette histoire est complètement folle. Personnellement, je suis pas forcément d'accord sur le fond par rapport à tout. Peut-être notamment la partie sur Kenyo. C'est vrai que bon, ça reste. Bon, je n'ai toujours pas avalé le chiffre la dernière fois. Mais étant donné que je partage ton avis sur le majordome, en tout cas, je le partageais. J'ai cette espèce d'intuition profonde que c'est lui. Il y a quelque chose qui sonne tellement faux chez lui. C'est à la limite de la preuve pour moi. Je vais essayer de me ranger de ton point de vue, Victor, et. Et je vais essayer d'adopter ta vision des choses pour le moment. Je pense qu'en tout cas, c'est le mieux à faire. Comme ça fait deux d'un côté et de l'autre. Dans tous les cas, l'important, c'est qu'au moins l'une des équipes, équipe entre gros guillemets, nous fasse avancer au final. Donc, okay. Autant essayer de coopérer à ce niveau-là. Et puis, pour Kenyo, il connaît mieux que nous. En tout cas, désormais... Je vais essayer de te rejoindre à ce niveau-là aussi. Mais... Disons que je vais essayer de jouer sur cette corde-là. Hein, le fait qu'il y ait entre guillemets, un rapprochement pendant cette période. Je garantis rien, hein, mais qui ne tente rien à rien, hein, on le sait. Hein. Si vous souhaitez mon opinion sur le sujet, personnellement, j'ai du mal à porter une quelconque confiance Kain, je pense que, comme tout le monde au sein de son ministère, c'est un arriviste qui n'agit pas forcément pour on va dire, la sûreté de cette ville ou que sais-je, mais pour ses intérêts personnels. Et visiblement, de ce que je comprends, ses intérêts personnels sont que nous réussissions certes cette enquête, mais en nous cachant beaucoup de choses. Donc, à terme, en nous faisant, je ne sais pas, nous compliquant vraiment la tâche. Donc, je ne lui fais pas confiance et j'ai un peu l'impression, pour, si tu veux mon avis, de tant que collègue et camarade, que c'est plus devenu en quelque sorte un peu, je ne sais pas, son pion, son relais. Enfin, sans, je ne dis pas qu'il te manipule, mais enfin, le rapprochement me semble plus suspect qu'autre chose. Et après, bien sûr, je serais très aise et très heureux qu'il nous fasse désormais plus confiance et qu'il nous aide un peu plus dans notre tâche. Mais je pense que peut-être d'autres personnes que nous à qui nous avons fait appel par le passé, et je pense à notamment Alceo, Heilig, peuvent peut-être nous éclairer désormais un peu plus aussi sur tous ces ponts. Mais étant donné que, comme tu m'as dit, Kaneo se rapproche de nous, semble se rapprocher, ce qui me semble quelque peu suspect, nous pouvons essayer de faire appel à ses services. Mais comme dit, il a quelque peu menacé nos familles et il ne dit pas tout. Et nous n'avons certainement pas toutes les clés pour réussir cette enquête. Ça, c'est sûr. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il faut tenter les choses. Par contre, maintenant qu'on en est là-dessus et que c'est un petit peu le flou par rapport à ça, qu'en est-il de ton projet, enfin, de ton projet de pièce, Kornilov? Est-ce que tu serais toujours partant pour qu'on essaye ton stratagème ou tu voudrais qu'on remette ça plus tard, je ne sais pas. Ouais, il faut le faire le plus vite possible. Je pensais qu'on pourrait se mettre aux préparations une fois qu'on aurait éclairci ce point, mais il semble que ce point soit compliqué à éclaircir. Oui. Après, je pense que les deux peuvent travailler, peuvent se faire indépendamment les uns des autres. Ce ne sera qu'un détail de plus si on arrive à résoudre l'histoire du menteur, mais je suis plutôt d'accord avec le stratagème dont tu nous as parlé la dernière fois. Et c'est vrai que plus vite on pourra le faire et mieux c'est. Que dans ce cas-là, si jamais on veut essayer de gagner un peu de temps, on ne ferait pas convoquer le majordome plutôt que de retraverser la ville là pendant 4 jours pour aller le voir. On sait que nos gens sont montés à cause du départ à Paris, peut-être qu'on pourrait s'en occuper dès maintenant, et puis comme ça on pourrait commencer à planifier peut-être le fameux plan de Kornilov au moins au QG, de rassembler les éléments, voire de convoquer les personnes qu'il va falloir qu'on parle. Mais là le problème c'est qu'on ne peut pas commencer à aller voir tout le monde à droite à gauche, sinon on sera parti à Paris avant d'avoir fini quoi. Bah, c'est pour ça qu'au tout début je voulais confronter les deux. Avant que ça finisse en interrogatoire spécialisé, je pense qu'il aurait été plus simple de convoquer les deux au ministère, quitte même à avoir Cagno avec nous en présentiel, et qu'il se rende compte par lui-même que l'un des deux mente et qu'il nous montre son savoir-faire. Je veux dire, s'il en est là aujourd'hui, c'est qu'il doit avoir un savoir-faire aussi. Ah, et quand il monte sa dureté envers nous, je pense que il saurait le faire avec deux autres. Donc, mais maintenant, j'ai bien peur que le médecin ait quelques difficultés pour se rendre à une de nos convocations. Dans l'état où tu l'as laissé, mon pauvre Hugo. Le majordome devrait suffire. Et justement, on en vient, mais je vais vous poser du coup la question de ce que vous comptez faire pour le reste de la journée, sur quoi vous allez, qu'est-ce que vous allez faire. Parce que là, il y a beaucoup d'idées qui ont été soulevées. Vous m'avez pas dit clairement ce que vous comptez faire. donc semblé se montrer la piste d'aller au ministère de la propagande pour aller voir Cagnon, visiblement, et lui parler de tout ceci. Voilà. Moi, je suis prêt à y aller. Je reste méfiant, mais je suis prêt à y aller. Bon, on va y aller tous. Après, on se regroupera, enfin, on se remettra au QG et on partira sur la suite de la mise en place du stratagème. Donc, pourquoi pas. La suite, là, tout de suite, c'est aller voir Cagnon au ministère. Là, tout de suite, maintenant. Ouais. Très bien. Eh bien, vous vous mettez en route. Et c'est pour vous diriger du coup vers le ministère. Il va falloir pédaler. Excusez-moi, j'ai des hauts de cœur. Il va falloir pédaler un tout petit peu, mais en soi, rien d'anormal. Hein. Ça fait partie de votre métier. Vous avez maintenant des jambes incroyables. Depuis que vous avez rejoint le ministère et que Esther a fait ses vélos, vous allez beaucoup plus vite et vous avez beaucoup plus de muscles. Arrivez donc vers milieu, voire à peine début de soirée. Vous arrivez donc au ministère de la propagande. Une fois là-bas, vous arrivez, comme d'habitude, hein, vous connaissez un peu tout le monde, vous saluez la personne qui tient l'accueil ce jour-là, et vous vous dirigez vers le bureau de Cagnon. En vous y rendant, on vous confirme que oui, il est là aujourd'hui, et vous avez de la chance qu'il vient juste de rentrer, donc vous allez pouvoir le croiser. Ok. Eh bien, vous montez les étages et enfin vous arrivez au niveau du bureau de Cagnon, que je rappelle qui est vrai bureau, grosse salle bien construite, etc. Hein, puisqu'il a quasiment un étage pour lui, même si c'est une hyperbole, en réalité il n'y a pas que l'étage pour lui, mais voilà, il y a quand même une grosse salle d'accueil hein, qui fait des bureaux de certains. Hein, le bureau d'Aïlig est plus petit que la salle d'accueil pour entrer dans son bureau. Et quand enfin vous vous mettez à attendre, et bah, une petite demi-heure, une petite heure plus tard, Cagnon vous ouvre sa porte et vous pouvez lui parler. Vous voulez tout simplement ouvrir la porte et faire c'était donc vous. Eh bien, rentrez. Merci. Vous rentrez dans son bureau très chaleureux. En réalité, oui, le bureau est assez chaleureux, il y a des couleurs vives, assez sympathiques, mais bon, les seules fois où vous êtes rentré, ce n'est pas pour des moments très chaleureux, donc il ne vous évoque pas forcément ce genre de sentiment bénéfique. Vous vous asseyez assez rapidement et vous voyez que lui s'assoit en face de vous et semble vous laisser commencer à prendre la parole. Moi, je parle. Oui. La dernière fois que je lui ai parlé, moi, ça ne s'est pas bien fini, donc je ne parle pas. Ok, bah du coup, bah, je vais commencer alors, parce que a priori c'était une initiative qui venait de moi. Bien le bonjour, chef. J'espère que vous allez bien, déjà pour commencer. Ouais. Ouais. En fait, on désirait vous rencontrer pour vous parler d'un petit souci que nous avons en ce moment sur l'enquête que nous menons. Alors en ce moment, nous enquêtons sur Elena Baletti. A priori, nous pensons que c'est une piste sérieuse en ce qui concerne il procedimento. Et que si nous arrivons à la développer, il y aurait de fortes chances que ça nous mène probablement à lui. Seulement, faisons face à un problème, c'est que clairement, nous avons deux personnes. Et deux personnes qui ont des témoignages contradictoires et qui se balancent l'un l'autre. En gros, il en va du médecin de famille, de la famille Baletti, donc monsieur Confortini, et du majordome de feu madame Elena Baletti. Alors je sais qu'il y a eu quelques troubles ces derniers temps. Mais nous pensons. Enfin, le majordome nous assure que le docteur Confortini a été le seul et unique docteur qui s'est occupé de Madame Baletti jusqu'à sa mort. Alors que le docteur Confortini nous assure que il aurait reçu du coup une plaque lui sommant de ne absolument pas intervenir dans les soins de celle-ci et que un docteur lui a été attribué pour la soigner et du coup il n'a jamais pu la soigner. Donc l'un des deux ment forcément, mais nous savons pas. Mais alors attends. Donc, que veux-tu ? Eh bien, après avoir essayé de questionner le majordome, alors je sais que ça a été un petit peu rude a priori, nous avons essayé de questionner un petit peu le médecin. Sauf que les deux campent sur leur position, donc j'aurais aimé, nous aimerions savoir quelle attitude devons-nous adopter pour obtenir les vraies réponses. Puisque l'un des deux ment, comment faire parler le menteur et jusqu'où nous pouvons aller pour obtenir les réponses, selon vous. Mais vous faites ce que vous voulez, je vous l'ai déjà dit, vous avez carte blanche. Moi, ce que je veux, c'est des résultats. La seule chose que vous évitez, c'est vous mettre à dos des gens qui nous sont importants, comme par exemple Monsieur de Cuivre. Par contre, son majordome, nous, il n'est pas dans nos papiers. Bon, tant que vous la mochez pas assez pour que ça gêne Monsieur de Cuivre, moi, je m'en fiche. Et ce que je veux, c'est des résultats. Le médecin, je vais prendre la parole. C'est quoi son nom de médecin, médecin Confortini. C'est quelqu'un quand même d'assez important pour Venise. Vous bousculez, mais pas trop fort. Hugo. Oui, donc, le majordome. Est-ce que si jamais nous trouvions remplaçant, pourrions peut-être, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, le mettre au chômage et le remplacer par une autre personne, pour un nouveau candidat, monsieur Dugur, qui nous permettrait. Remplaçant, je suis pas sûr. Monsieur Le Kiv laisse personne rentrer chez lui à l'origine, donc le fait qu'il ait un majordome relève déjà. D'un certain miracle, disons-nous, donc je suis désolé. Il semblerait que oui, le non, évitez quand même de faire appel à un remplaçant, ça risque d'énerver monsieur de Kiff. Par contre, je lui ai dit juste tant qu'il est pas assez amoché pour pouvoir continuer son boulot, ça va. Mmh. Mais concrètement, vous êtes venu juste me demander une permission Disons que comme à la fois dernière, ça s'est un petit peu mal passé. Bon, je n'étais pas là au moment où ça s'est passé, mais au vu de votre réaction, on a préféré. Vous donner les faits et où on en était par rapport à cette situation avant qu'on reproduise une situation conflictuelle. Donc on a préféré vous en faire part. Ok, présenté comme ça, je trouve ça bienvenu de votre part. Mieux vaut ça que se reprendre des rappels de monsieur Bucky. Vous savez qu'on est passé à ça de perdre un des plus gros financements du ministère à l'heure actuelle. Hein, donc faites attention. Mais. Ok, cette histoire est un peu étrangère. Tout ça pour vous, c'est lié à les procedimento ? Nous pensons que oui. Donc c'est-à-dire que les doutes que nous avons eus, que l'affaire... Azinati. Merci. Oui. Azinati et Baletti Soilier... Pensons que oui. Ils sont confirmés. C'est ça. En fait, oui. Pour être complètement honnête, nous pensons que cette phthisie dont elle a été victime est des plus surprenantes, que ce soit Madame Baletti comme pour Madame Azinati, puisque les témoignages des proches, par exemple, de Madame Azinati, nous faisaient part que, avant qu'elle décède, donc quelques jours, mais vraiment 2-3 jours avant son décès, elle se portait bien. Et selon les dires des médecins qui ont affaire à cette maladie, la phthisie diminue au fur et à mesure la santé des malades. Et quelques jours avant, elle n'aurait jamais pu être dans un état totalement normal. Elle aurait déjà eu proche de la mort. Et il en va de même pour Madame Baletti. Donc, nous avons de forts doutes sur cette maladie. Et est-ce qu'elles l'ont vraiment eu? Voilà. Et ces doutes mènent à... Alors, je regarde les autres d'un regard. Est-ce que enfin, si je développe sur le masque, sur le fait qu'on a le message... Ouais, j'imagine. Ouais. Eh bien, écoutez, nous avons reçu ces derniers temps un courrier, enfin un message avec le masque de Iprocedimento, enfin une copie du masque de Iprocedimento. Et avec ce masque, nous était donné un message nous demandant de retrouver EB. Et EB qui serait donc Elena Baletti. Alors, vous avez cette plaque sur vous Alors, est-ce qu'on l'a La plaque sur nous, non. Non, mais on l'a, non, mais on l'a au quartier général Vigo. Ok, je vais vous accompagner, on va au QG. J'aimerais bien l'avoir. Et... On a plusieurs plaques. Oui. Les plaques ont toutes la même écriture Alors, d'après les images que j'avance sur Discord, peut-être. Attendez, on va Attention. Attention les coups. De toute façon, c'est des plaques de cuivre, non? C'était pas une plaque de cire. Oui, sûrement. Bah, c'est des étampes. Alors, si c'est pas la même police, enfin, t'écris pas avec un stylet dans le cuivre, quoi. Tu as un caractère en métal et tu tapes dessus avec un marteau, quoi. C'est comme ça que t'écris en métal. Donc, si c'est pas la même police, ça va se voir. Justement, c'est ma question. Bah, du coup, on y va alors. Ah oui, il va falloir voir ça, parce que les... Disons que c'est une façon qu'ils ont... Enfin, on peut se démarquer assez rapidement en modifiant justement l'écriture. C'est comme ça qu'on sait si on est plutôt allé dans une maison prestigieuse ou au premier poste de message du coin. Et la question m'intéresse par rapport à certaines affaires personnelles. Quant au reste... Vous avez eu le masque, une copie. Vous savez si c'est une copie? Vous savez si c'est... A priori, selon nos recherches, après avoir montré à droite à gauche à des experts, ça serait une copie grossière d'un masque qui ferait rappel... À une pièce de théâtre qui se jouait il y a de ça de nombreuses années dans les prémices de la cité de Venise qui se nommait... Alors, je regarde Hugo. Hugo. Oui, les ombres et les lumières. Mais en fait, nous avions déjà parlé. Nous avons déjà évoqué cette pièce. Si vous vous souvenez. Et je confirme que, au moins vaguement, le masque correspond en effet à ce qu'on a vu de nos rencontres physiques avec notre individu. C'est ça. Pour vous expliquer les tenants de la pièce, même si nous en avons déjà parlé, en fait, le masque est celui d'un individu qui détient un secret, le détenteur d'un secret que des seigneurs traversiers cachent au peuple, et bref, c'est censé être une sorte de héros, une fois. Une pièce, on va dire, très peu adaptée aux valeurs de notre monde actuel, si on va dire. Voilà. Et pour le coup, nous avons su que... Juste pendant que vous commencez à parler, il va se lever et vous en fait vous conviez à juste continuer de parler sur le chemin, parce que de toute façon, il y a de la marche jusqu'au QG. Et en partant, vous voyez juste qu'il prend une plaque de cuivre et qu'il la range dans son manteau avant de quitter la salle. D'accord. Du coup, j'aime bien lui parler sur le chemin aussi. Ouais. Je vais me refaire baffer, je le sens, mais bon... J'ai pas entendu, je suis désolé. Je disais, il y a un truc dont j'aimerais bien lui reparler sur le chemin. Ok, bah de toute façon, on va faire un peu la conversation, comme ça vous continuez à lui parler, mais comme ça, on considère que vous êtes en chemin, il y aura pas de temps entre les deux. Donc en fait, considérez que vous marchez pendant que vous parlez, bah, vous pouvez continuer. Du coup, je juste avant que tu commences, je finis un peu, vu que ça parlait de Valetti de la pièce, et du coup, je lui disais que... et nous avons appris que Madame Baletti, avant son décès, faisait jouer à titre privé cette pièce pour elle et quelques convives qu'elle faisait inviter, et ça plusieurs fois. Donc c'est plutôt troublant. Oui, et donc... En fait, je crois que, Cagno, je vais vous faire une confidence. Il y a beaucoup de choses que nous ne vous avons pas forcément révélées. Car il faut dire que... les premiers rapports que nous avons entretenus avec vous... sans vouloir me faire aucune critique, ils nous ont poussé à travers un certain, comment dire, instinct de survie à ne pas forcément tout vous dire ce qui n'était absolument pas la chose à faire. Mais par exemple, je ne sais pas si nous vous l'avons dit, mais nous avons été menacés personnellement par Il Prodissimento, qui a repéré nos domiciles, ceux de nos familles, et y a laissé des menaces, ce genre de choses. Et donc, aussi, lorsque nous avons interrogé le majordome, même si, donc, pour revenir à la problématique de base, même si, du coup, donc, veuillez m'excuser de parler aussi virulemment, on croira entendre un gueux. Mais donc, je disais, eh bien, il nous a avoué lui-même avoir été menacé personnellement par Il Prodissimento et avoir enquêté. Alors, peut-être que ce n'est qu'un chevalier d'industrie qui essaye de nous embobiner, comme nous l'avons dit, nous ne savons pas. Mais il se pourrait que... Enfin, voilà. Nous n'avons pas été en mesure de tout vous révéler ceci. Et je pense que nous devons rétablir de plus saines relations, comme vous avez commencé à le faire avec Victor. Et veuillez nous en excuser. Comprenez bien que cela a été difficile pour nous à nos débuts. Je comprends. Il y a beaucoup d'informations là dans tout ce que vous dites. Sachez qu'avec Victor, nous avons surtout travaillé pour commencer. Et ensuite, c'est qu'il y en a des informations tout autour d'Il Procedimento. Et beaucoup de choses très étranges dont vous avez parlé. Donc, je vous le demande, parce que je... Pour vous, quel lien entre du coup Baletti et Il Procedimento ? Vous semblez persuadé que les deux sont liés ? Est-ce que vous pensez que... Bah, rien que le fait de recevoir son masque, enfin, même si c'était une copie, et que ce message nous demande de retrouver EB, ça nous a un peu troublés. Et ce qui nous a aussi troublés, c'est que nous n'avons pas vu qui a déposé le message. Seulement, selon les dires de notre voisinage et les gens qui auraient vu la personne avait une correspondance très marquée avec Madame Azinati. Ce qui nous a encore plus troublés, puisque nous pensions que bah, autant Madame Azinati et Madame Baletti ont toutes les deux eu la phtisie et elles en sont mortes, et la façon dont ça s'est passé, c'est que les deux corps ont disparu et le médecin n'a jamais connu. Si elle fait quoi aujourd'hui, Baletti, si elle a encore envie? Elle se cache de quoi? Pourquoi? Il procedimento, elle était peut-être menacée. Si elle pensait être, si elle avait compris de qui il s'agissait ou autre, et qu'il était, qu'il avait, comment dire, l'intention de la tuer, puisque l'on sait que l'intégralité des cibles d'il procedimento sont mortes, j'imagine que mettre en place ainsi une fausse mort était peut-être le seul moyen de s'en sortir. Je ne sais pas s'il aurait été complètement dupé ou pas. Mais nous savons, et je pense qu'elle le savait aussi, que il procedimento est sans doute quelqu'un qui a énormément de moyens et toujours un coup d'avance sur l'intégralité. Mais le premier meurtre recensé il procedimento date de 1128. Pardon ? Le premier meurtre il procedimento, c'est 1128. Paletti est morte 3 ans avant. Nous savons, si on ne nous a pas encore menti, bien entendu, que parmi les gens qui ont enquêté sur la mort de Madame Baletti, dont son majordome, ils ont été menacés en personne par notre bonhomme. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, il est là depuis plus longtemps que ce que l'on pense. C'est probable. En tout cas, il devait avoir un lien entre les deux, quel qu'il soit. Elle devait se douter de quelque chose. En tout cas, sinon, elle n'aurait jamais agi telle qu'elle. Et puis, vous avez parlé du masque, de la pièce de théâtre, tout ça. C'est ça. On a interrogé les gens de la troupe qui jouaient pour Madame Baletti à chaque fois en privé. Ils nous ont fait part du fait que des parties du costume du personnage qui s'est inspiré dont s'est inspiré il procedimento ont été égarées, volées, ils n'ont jamais retrouvé et on parle du masque, on parle de la robe et je crois que c'est tout. Enfin, des choses qui tournaient exclusivement sur le personnage qui a inspiré il procedimento. Donc, je peux dire que vous avancez bien. Vous êtes les premiers à m'avoir parlé de tout ça. Rutin vous a battu plus de boulot que le reste de mes hommes. Bravo. J'espère juste que ça sera suffisant pour le choper. Vous avez su motiver. Nous pouvons également supposer, mais nous n'en sommes pas certains, que il procedimento pourrait, également, on en avait peut-être déjà parlé d'ailleurs, être un être spécial. Être un être spécial, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ? Ouais. Oui, mais c'est même Cagno qui nous l'avait suggéré. Non, c'était un seul. Effectivement. Mais donc oui, qu'il pourrait être doté de facultés hors normes, disons-le. Ce qui pourrait expliquer comment est-ce qu'il a pu faire pour s'infiltrer, enfin rentrer à travers n'importe quel lieu, et comment est-ce qu'il semble à chaque fois presque par miracle pouvoir accomplir tous ses méfaits, en tout cas certains beaucoup plus durs que d'autres, et s'évaporer dans la nature juste derrière, sans... D'autant plus lorsque nous l'avons combattu la première fois, nous avons été témoins, mais difficile de dire dans le feu d'action exactement de quoi il s'agissait, mais quand même de toutes ces choses de toute façon qui étaient dans nos rapports. Mais enfin, il semblerait que personne ne soit vraiment préparé à l'affronter, tellement il semble dénoté de ce que nous avons l'habitude de combattre par le passé. Ouais, presque un surhomme. J'ai l'impression que quelques journées, je ne sais pas si elle est partagée par tout le monde ou pas, mais... C'est vrai que le fait que ce soit un de ces malades de céphale soit... expliquerait bien des choses, mais il n'y a clairement pas que ça. Il a des connaissances que peu de personnes ont, il sait comment agir. C'est pas pour rien que ça fait des années qu'on lui court après, mais... vos doutes sont partagés... Les quelques semaines que j'ai passées à lui courir après pendant votre convalescence ont été aussi, de mon côté, à valider cette piste en revoyant les preuves, en écoutant les propos. Il semblerait que ce soit, en plus d'être un salaud, un malade, mais... Oui, il se joue régulièrement de nous, comme nous avons pu le constater par le passé. Il a un côté... comme un chat qui jouerait avec une souris. Ça, il se joue tellement confiant, mais c'est peut-être comme ça que nous pourrons l'attraper, c'est qu'il est si confiant de lui que... comment dire... il est prêt à prendre des risques ou même à lui-même volontairement dévoiler des indices ou quel que soit, c'est... Enfin, voilà. Vous avez un plan pour ça ? On a pu y réfléchir un petit peu. Est-ce que nous avions parlé avec vous du fait que toutes ces victimes avaient donc un lien avec le ministère de la propagande et étaient soit des hérétiques, soit des personnes dont le ministère s'était chargé de faire taire car elles avaient vu des choses qu'il ne faut pas nommer, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ouais. Ce qui rejoint toutes ces thématiques de la pièce, un secret gardé, tout ça, par les seigneurs traversiers qu'il fallait révéler au monde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dans les Photius, Clint, qu'on a sauvé, mais qui rentre quand même dans ce domaine. Maintenant que vous le dites, c'est pas tant un lien avec nous. Certains d'entre eux, nous avons jamais eu connaissance d'eux avant leur mort, notamment les premières victimes. Mais il est vrai qu'il y avait toujours quelque chose, enfin du moins nous, ministère de la propagande de Venise, mais il me semble que les premières victimes venaient du Gloriana, si je dis pas de bêtises. Vous devez le savoir mieux que moi, vous avez l'enquête en tête, mais il me semble que les premières venaient du Gloriana, et ce que je dis, bien entendu, est hautement confidentiel, mais effectivement, il y avait eu quelques rumeurs sur ces personnes-là sur lesquelles le ministère est en train d'enquêter au moment des meurtres. Oui, Peggy Frost. Tout à fait. Ah ouais. Juste comme ça, est-ce que... Enfin, on a essayé un petit peu de mettre un visage sur les gens qui accompagnaient Madame Baletti lors de ses représentations privées, puisque quand je vous dis privé, c'était extrêmement privé, c'était 3-4 personnes, pas plus. Nous avons su que Madame Selena Cinci faisait partie de ces personnes. Nous l'avons d'ailleurs interrogée et elle nous a parlé d'un couple de personnes, donc un homme et une femme, qui sont venus plusieurs fois et qui venaient de la principauté d'Olmun. Est-ce que, à tout hasard, vous auriez peut-être une idée sur un couple connu dans les hautes sphères qui serait venu? Non, là comme ça, non. Et puis, pour être honnête, j'ai beau être vénitien, je suis dans les hautes sphères que depuis vraiment l'élaboration de notre ministère. Et malheureusement, ça fut après la mort de Madame Valetti. D'accord. Oui, je dis absolument rien à voir, mais vous avez entendu parler de ce mouvement ce matin qui a eu lieu au quartier du Livre? Non, on m'a pas encore fait remonter l'information. De quoi s'agit-il? Il y a un rapport avec Cimento? Absolument pas. Peut-être cela ne vous intéresse pas, c'est juste pour faire simple, quelques remous, une situation pré-insurrectionnelle, dirons-nous, mais une insurrection, qui fait pas le figure, je pense. C'est une des personnes qui se sont énervées, vous savez, suite au poème, toutes sortes de choses, et visiblement, les réactions n'ont pas été très satisfaisantes. Bref, ces personnes ne sont pas armées, ne représentent pour le moment aucun danger. Mais elles ont monté quelques barricades. La gendarmerie était en chemin quand nous avons pris connaissance de cette information. Mais vous le savez maintenant. Ok, bah, s'ils sont pas dans le jeu, ça doit être réglé. Pardon. Vous arrivez donc au niveau du QG. Il y a un truc dont je voulais lui parler sur le chemin. Vas-y. Ouais. Vas-y. Du coup, à un moment, on va dire un petit peu un moment de blanc ou de battement entre deux avenues. Je vais en discuter avec lui et je lui dis quand est-ce que Monsieur de Cuivre s'est-il manifesté? Vous parliez du fait qu'il était actionnaire majoritaire dans le ministère de la Propagande. À partir de quand a-t-il commencé à investir là-dedans? Si je vous donne la connaissance, évidemment. C'est par pure curiosité. Il me semble qu'il a été assez tardif à rejoindre le mouvement, mais je dirais à peu près début 1126 ou fin 1125, au moment où on est arrivé, il y a eu quelques lunes de battements avant qu'il nous rejoigne officiellement et qu'il nous soutienne financièrement. Très bien. Et vous savez, Monsieur de Cuivre a l'air d'être dans un état particulier. Pourquoi se préoccupe-t-il? Était-il dans cet état à l'époque? Et en tout cas, pourquoi se préoccupe-t-il ainsi du ministère? Alors, c'est deux questions bien différentes, mais pour le ministère, ce n'est pas tant nous qu'il finance les grosses structures de Venise. Il a des sous aussi au ministère de la guerre et dans certaines doges, notamment la note et une deuxième, je sais plus, je ne sers pas ces affaires là. En tout cas, que Kornilov, j'essaye de trouver la deuxième loge de Balézi, mais je l'ai pas. La glyphe, c'était ça? C'était Note et Griffith. Attends, non, c'était... Non, le masque. C'était, elle est de le théâtre. Oui, c'était le théâtre. Et la musique. Et la musique. Et le masque, la loge du masque, je crois. Note et masque. Masque. Donc, je rajoute. Et masque. Et tu vois qu'il a un petit mouvement de sourcil. Ah, oui, ça doit être... Ça doit être ça. Je sais qu'il met beaucoup d'argent dans les théâtres. À vrai dire, je sais même pas comment il fait pour avoir autant de ressources. Je crois que c'est la personne la plus riche que je connaisse de toute cette putain de toile. Surveillez votre langue. Non, j'ai... Très bien. Ok, en effet, ça a l'air d'être un personnage assez particulier, assez haut en couleur, en effet. Oui, quant à son état, c'est une maladie qu'il a eue très jeune. À vrai dire, il communique pas beaucoup là-dessus, mais oui, il est comme ça depuis... c'est simple, je crois que ça s'est révélé... Il y a à peu près 40, 50 ans. Ouais. Ouais, donc c'est une maladie dégénérative, quoi. Ouais, et à vrai dire... il est plutôt discret sur ce que c'est, il semblerait qu'il y a 2-3 médecins qui soient vraiment au courant, parce qu'il faut bien s'occuper de son état de santé, mais... Oui, mais bon, j'imagine on a des suspicions, que... mais... Oui, j'imagine bien qu'on va pas fouiller. Et d'obtenir le nom de ces médecins. Ouais, pour le coup, quand je vous dis que c'est une personne importante à Venise, même moi, je m'y risque pas. Bien sûr, parce que, bon, ce que je vais me permettre de dire, je me permets de le dire ici, parce que nous sommes en extérieur, que personne ne peut m'entendre, mais... le personnage, l'aura de Monsieur de Cuivre est quand même assez particulière, il faut l'avouer. Et notamment son implication financière dans tant de ministères. Vous parliez notamment de son implication tardive dans le ministère du propagande. Comment dire cela le met relativement, En sécurité. Je ne sais pas si telle est sa volonté, mais cela semble mettre cette personne hors de portée de toute atteinte, quelle qu'elle soit. C'est peut-être finalement une des seules personnes de cette toile, comme vous disiez, qui ne craint ni le ministère de la propagande, ni qui que ce soit. Sans forcément dire que cette personne aurait quelque chose à se reprocher ou autre, évidemment. Voilà. Oui, non, mais je comprends bien ce que vous dites, Esther, et à vrai dire, je ne peux que confirmer, mais comme je disais, ça fait partie des personnes sur lesquelles on s'y frotte pas, même si y aurait forcément des choses intéressantes à gratter, mais... Même moi, j'ai pas assez de pouvoir pour aller contre lui. Donc ouais. On fait avec. On le prend en allié et on fait en sorte de jamais le brusquer. Comme ça, on reste puissant. Et dans le cas où l'implication du majordome dans l'affaire El Procedimento pourrait éventuellement s'étendre à l'implication de Monsieur de Cuivre, que devrions-nous faire ? Honnêtement, c'est une question que j'aurais aimé ne jamais entendre, mais c'est une question qu'il faut poser. Alors, déjà, il faudrait agir en étant sûr à 100%. Vraiment, que les probabilités ne permettent aucun doute. Parce que la moindre millième de doute qui peut exister, s'il s'avère vrai, le fait de... s'opposer à Monsieur de Cuivre ferait sûrement que vous emporterez avec vous beaucoup plus de choses que vous le souhaiterez, notamment nous. Mais disons que ça s'avère vrai, j'ai un peu du mal à trouver une réponse là immédiatement, parce que il y a des situations comme ça qu'on n'imagine pas, mais si vraiment il est lié à le procedimento ou... Je ne sais pas, à vrai dire, ça va dépendre de à quel point il en est. Il faudra peut-être fermer les yeux si cela est faisable et s'il est coupable à un point qu'on ne peut pas imaginer. Coupable réussir à... ou victime, potentiellement. Victime, ce serait plus agréable et beaucoup plus facile à gérer de notre côté. Oui. Mais disons le pire des cas, que ce soit un potentiel coupable, parce que au pire, si c'est une victime, on peut rentrer en contact avec lui, juste ne soyez pas... rentrer pas sans son autorisation dans sa chambre, éviter ce genre de choses. Faites juste en sorte qu'il vous a bien dans le bon oeil. Mais s'il y a quelque chose que Monsieur de Cuivre apprécie particulièrement, que ce soit un mets, une bouteille en question. Non, je ne l'ai jamais rencontré réellement. Pièce de théâtre. Non. Très bien, désolé. Merci. Je ne vais pas plus en parler parce que je vais finir par me faire par mettre mon pro. Mais... Oui, alors ça, c'est une question plus à la conteuse. Quand on a été le visiter, Monsieur de Cuivre, et qu'on dit que Esther est rentrée dans sa chambre un peu de force. Voilà. Est-ce que elle a pu vraiment voir sa maladie ou c'était vraiment trop sombre pour qu'on puisse. C'était entre les deux. C'était trop sombre pour avoir vraiment beaucoup de détails, notamment sur le niveau du visage, des trucs comme ça. Mais elle a vu la forme du corps qui n'avait rien d'humain. C'était vraiment des décompositions, quoi. C'était d'humain que de nom. D'accord, ok. D'accord. Ok. C'est pour... Parce que du coup, je veux savoir si les gens avaient vraiment vu son état se dégrader, si on le voyait, il a l'air d'être caché vraiment à la vue de tous, et que du coup, on le voit pas, en fait, cet homme. Et d'ailleurs, officiellement, si jamais il y a question qui se pose, mais c'est surtout que sa maladie, depuis quelques années, est devenue tellement forte qu'il peut plus se déplacer, en fait. Il peut pas se lever, c'est pour ça, d'ailleurs, que... Il est un majordome qui sert à tout le reste. Et ça lui fait quel âge, là? Maintenant Là, ça lui fait une cinquantaine d'années. D'accord, ok. C'est bon. Vous arrivez au QG, vous lui ouvrez, vous laissez Cagnon rentrer. Et oui, tout simplement, il vous demande, sans aucune pression aucune, tout simplement, de montrer la plaque que vous avez reçue. Bah on lui donne. On lui sortir. Vous voulez le prendre et tout simplement s'éloigner de vous. Et en fait, il s'éloigne vraiment beaucoup au point de en fait, juste aller dans les escaliers pour vraiment sortir en fait, de votre point de vue. Est-ce que vous restez sur place? Est-ce que vous tentez quelque chose? Dites-moi pour savoir comment je décris la chose. Ah, je serais presque tenté de me dire, mais c'est... C'est bizarre qu'il fasse pas de ça devant nous. Enfin, je trouve ça un peu incongru. Je regarde les autres un peu circonspects de le voir partir. J'aurais presque même envie d'essayer de suivre pour essayer de voir quelque chose. Dis si tu tentes ou pas. Il faut que je sache. Est-ce que c'est le moment de jouer la discrétion? Est-ce que Victor, tu te laisses céder par cette tentation de savoir ce qui se passe? Bon, allez, il y en a un qui sera tapé sur les doigts, mais je vais essayer d'y aller très discrètement. Ok. Ma curiosité, maladive. Tu vas, du coup, essayer de le faire le plus discrètement possible. Alors. Je regarde s'il y a un jet quand même, parce que ça serait rigolo. Le truc, c'est que les jets... Oui, effectivement, c'est bien ce que je pensais. C'est un test de maraude. 6, 9, 14. Joli jet. Tu as 3, c'est ça? Oui, j'ai 3. Okay. J'ai fait 6 et 5, mais on le voit pas, mais... Tu te glisses discrètement, tu fais quelques petits pas rapides pour arriver au niveau du haut des escaliers et retrouver une vue sur Cagno. Est-ce que certains essaient de suivre le mouvement de Victor ou vous le laissez faire, prenant information pour vous? Ah non, c'est lui le meilleur ami. Hein. Moi, je me reste dans mon coin. Ok. Victor, tu vois tout simplement Cagno sortir une autre plaque, celle qu'il avait rangée dans son manteau, et prendre le temps vraiment d'analyser les deux écritures, de... Tu vois vraiment qu'il compare, qu'il incline, qu'il cherche les sources de lumière pour voir un peu la réflexion, ce genre de choses. Et après une bonne minute de jaugeage, on va dire, d'observation, il remet sa plaque dans le manteau, il pousse un soupir et s'apprête à se retourner. Toi, voyant le mouvement arriver, tu te fais tes deux pas en arrière pour retourner à ta position initiale. Et vous voyez tout simplement Cagno revenir à votre niveau. Alors c'est un soupir genre dépité ou un soupir genre ouf? Difficile à dire, c'était un soupir. Ok. Ok. Bon, bah, du coup, il rentre dans la salle et pose la plaque sur la table. Ok. Bon. Ouais. Alors? Vous en pensez quoi ? Intéressant. Et le masque, vous l'avez ? Bah, il est là, hein, je crois, non ? On l'a laissé ici, non ? Oui, on l'avait récupéré, il me semble, après l'avoir. Ouais. On lui fait parvenir. Ok. Vous lui donnez le masque, vous voyez, qui le regarde. Et simplement, il observe, il fait « Pendant votre affrontement, vous n'avez pas laissé quelques séquelles qui auraient pu... Le... permettre de reconnaître si c'est son masque actuel ou une copie. Bonne question. Il faut dire que notre affrontement physique avec lui avait été très fouillé. Et je sais que nous lui avons tiré dessus, que je lui ai tiré dessus. Puisqu'il a assez pas mal amoché, mais à savoir si c'était sur la tête ou pas, c'est une grande question. Et puis peut-être que le fait que nous ayons reçu du coup une copie du masque pourrait indiquer qu'il y en aurait plusieurs exemplaires. Aucune idée vraiment de savoir. En tout cas, c'est la question de tirer dessus à travers le drapé du coup, de ce que j'ai compris. Je m'entends vers Kornelov pour qu'il valide ou pas. J'ai pas entendu. Lorsque tu l'as tiré dessus, c'était à travers le drapé. Oui, il était avec sa grande tenue. Oui, alors... Non, on l'a pas revu depuis. Mais j'imagine qu'il l'aura sans doute fait remplacer, que la prochaine fois qu'on le recroisera, ce sera comme une nouvelle pièce de théâtre, le costume sera intact à nouveau. Ce qui pourrait en effet indiquer qu'il en aurait plusieurs, c'est malheureusement une piste qui n'est pas extrêmement exploitable, mais qui aurait pu être utile de savoir si c'est réapprovisionné sur quoi que ce soit, mais nous avions trop peu d'éléments pour nous orienter à ce niveau-là, si telle était la question. Non, je comprends, je cherche juste à comprendre un peu le pourquoi de tout ça. Il y a l'air d'avoir un côté... un peu faire exprès de vous mener en bateau. On se voit beaucoup de choses, on vous... Mais de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de la plaque que nous avons reçue ? Il a dit qu'il vous reste peu de temps. Un peu de temps avant quoi ? Je sais pas, il s'est passé quelque chose depuis ? Eh bien, il y a toujours les menaces de notre famille. Ceux avec de la cire devant chez nous. Par exemple, ça peut toujours être une menace vis-à-vis de nous, ça peut toujours être... Ça peut être une menace sur quelque chose qui va se passer ? Ouais, ou sur quelqu'un d'autre. Peut-être que nous ne sommes pas au courant de tout ce que les procédimentos fait. Peut-être qu'il est déjà à la recherche d'une nouvelle victime. Bonne question. Ah, je savais pas trop quoi dire de cette écriture. Bon, visiblement, si EB mène à Enela Baliti, il faut se poser la question de pourquoi. Et il faut. Je sais pas, je comprends pas toutes ces actions et je pense que. Et je pense que vous non plus, de toute façon. Oui. Restez prudent malgré tout et faites ce qu'il y a à faire. Moi, je vais devoir me retirer. Vous pensez que il peut être en action en ce moment même ? Nous avons eu aucune nouvelle à part celle-ci, visiblement. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler de lui. Il est peut-être en train de mijoter quelque chose. Eh bien, peut-être il a l'air d'avoir une certaine aisance à se déplacer, à prévoir ses plans, vu ce qu'il avait prévu pour notre baron Eklint. S'il n'a pas encore fait... parler de lui, je pense que peut-être c'est parce qu'il prépare quelque chose de plus gros, peut-être une cible encore plus importante ou un événement particulier. Qui sait ? Ouais. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Mm-hmm. Non. Pardon. Enfin, en tout cas, voilà, maintenant, vous savez tout. On est toujours, voilà, et que notre cible, enfin, notre piste principale est toujours Elena Baletti. Nous pensons que c'est la clé. Juste pour savoir, vous avez la plaque à l'époque dans laquelle il vous a communiqué pour Clint ? Vous l'avez gardée ? Oui, il me semble que nous avons tout gardé. Enfin, tout ce que nous recevons est rangé dans nos archives ici. Il y a de... Je vais essayer de vous retrouver ça. Et j'essaie de lui retrouver ça. Okay. Au bout de quelques minutes, Esther, tu le retrouves. Je rappelle que certaines personnes avaient passé du temps à ranger vos archives pour qu'elles soient toujours très bien organisées, donc vous trouvez très rapidement. Et tu amènes la plaque, tu vois qu'il la regarde. Déjà, il compare les deux. C'est le même... La même typo ? Oui, bah, ils ont pratiquement tout la même écriture, mais oui, c'est la même fabrique... Visiblement, c'est une fabrique qui se trouve vers l'est de la ville, mais ça en dit pas plus. Disons que j'ai une suspicion de où est-ce que ça peut venir, parce que j'ai moi-même une plaque. Mais ici, on a pris le temps de supprimer les, ce qui nous permettrait d'identifier qu'il y a personne qui a fondu cette plaque. Mais bref... Vous voulez qu'on y aille ? Non. A priori, ça vaut peut-être le coup d'aller faire un tour. Si toutes ces plaques sont faites au même endroit, ça peut être une vraie piste, pour le coup. Bref, de toute façon, faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez voir ce qu'il en est... Je vous donne une plaque, vous ferez vérifier que les trois viennent du coup de cette même fabrique. Cette plaque me concerne personnellement, vous êtes prié de ne pas ébruiter son contenu, et bien évidemment. Tout à fait. Ne vous inquiétez pas. Oui, qui sort la plaque du manteau, il la met sur la table. Et sur ce, moi maintenant j'ai du travail et je vais avoir une journée chargée demain. Faites ce que vous avez à faire et apportez la réponse quand vous pourrez. D'accord, monsieur. Bien. Eh bien, au moins, c'est votre venue a été plus qu'agréable, puisqu'elle m'a permis de voir votre avancée. Et... Vous savez, vous devrez faire des rapports un peu plus souvent, ça me permet de... d'être un peu plus rassuré sur le fait que vous avancez bel et bien. Parce que pour le coup, vous avancez bel et bien. Bien, merci. Merci beaucoup. On vous tient au courant. Vous voyez qu'il se tourne et s'en va. Au moment où il ferme la porte, moi je regarde les autres, je fais bah finalement, c'était pas une si mauvaise idée d'aller lui parler. Non ? Bah certes, mais c'était peut-être une mauvaise idée de sa part de gérer ça comme ça, comme il l'a fait au début. Ah, je sais pas. C'était une bonne idée, en effet. J'avoue que la discussion qu'on a eue le long de la route m'a un peu... Enfin, comment dire... Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que peut-être que... Bon, même si on a fait de la merde, en effet, il a l'air d'avoir confiance en nous. Ouais. Moi, je pense que ce petit voyage, cette mission que nous avons fait, a peut-être permis de mettre les choses au clair par rapport à ce qu'il veut. Et d'ailleurs... Pendant que je dis ça, je regarde ce qu'il y a écrit sur la plaque qu'il nous a donnée. sur la plaque, il est écrit « Il te reste 36 heures à vivre. » Oh ! Il y a la date dans... Ah non, mais non, il n'y a pas les dates sur les plaques. Pas de date. Ah, donc on sait pas, en fait en vrai, ça se trouve il lui reste moins de temps que ça. Donc ça se trouve, ça se trouve le EB qui nous dit qu'il nous faut nous grouiller de trouver EB, c'est que c'est la cible en fait. Est-ce que c'est les mêmes plaques que celles qu'on a déjà ? Alors c'est pas les mêmes plaques en soi, mais c'est la même principe, de toute façon c'est une plaque, elle se ressemble un peu toutes. Mais ce que, si vous regardez l'étude qu'il a faite, donc effectivement, en fait, les flocages qui peuvent être un peu modifiés à chaque fois pour. Voilà, il faut faire de la pub de ces mois qui construit. Bah, le flocage de lettres est les mêmes entre les trois plaques, sauf que sur la plaque de menace, eh bien, tout simplement, il n'y a pas de. Il y a les petits. Je sais pas comment dire ça, mais petites marques en fait, qui permettent d'identifier en fait, de qui ça vient. Ouais, je sais pas si c'est ça, donc je préfère pas dire de bêtises, je me renseignerai sur le vocabulaire de tout ça. Ce texte-là, du coup, n'a pas été, entre guillemets, cramé, fondu pour que ça reste non identifiable. Quoi. Donc en gros, ça a l'air de venir de la même fabrique, sauf que juste avant, c'était fait en sorte qu'on puisse pas savoir de qui ça vient, alors que là, maintenant, vous savez au moins de quelle fabrique ça a l'air de venir. Ouais, donc là, on a une piste, quoi. En fait, faudrait lui demander quoi, depuis combien de temps on l'a récupéré. Depuis combien de temps lui il l'a récupéré ? Parce que ça... on l'a pas fait, il est parti. Est-ce que quelqu'un ne voudrait pas. Ouais, bah en vrai, faut le rattraper, sinon, non ? Ça fait combien de temps qu'il est parti ? Ça fait 5-6 minutes là ? Bah, ouais, ça fait pas si long. Restez là, je parlais courir après. Je le ramène. Ouais. Pendant ce temps-là, est-ce que nous on ferait pas une analyse approfondie des trucs, voir si on n'arrive pas à repérer un détail ? J'en sais rien, en vrai. Comparons, on avait reçu d'autres plaques, non ? On a quoi comme plaque liée à l'affaire ? Parce que si celle-là elle est pas identifiable, mais pas celle qui disait trouver ED, c'est que c'est peut-être bel et bien Zenati qui nous a contacté pour EB, pardon, trouver EB, et pas du coup Zenati. Désolé, je m'en mêle les pinceaux. Maletti. Voilà. Qui nous a contacté pour EB et pas du coup le procédimento, vu qu'à la base on pensait que c'était lui, vu qu'il y avait eu un masque dedans, mais vu que En plus, j'ai peut-être un. Je sais plus si c'est ça, mais il n'y a pas une personne. Enfin, quand on a reçu la plaque, la dernière, trouvée EB. Pas trop compris. Il n'y avait pas une meuf qui avait fui ou quoi enfin... Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Et c'était. Oui, elle ressemblait à Zenati. La différence entre les plaques, du coup, semble confirmer ça. Bah, du coup, ce qu'il avait l'air de dire en les regardant, c'est que la plaque qui nous a été donnée sur EB, donc la dernière qu'on a reçue, a été faite par la même fabrique. Que la plaque qu'on a reçue il y a très longtemps qui nous mettait en garde quoi enfin qui nous voilà et celle dont a reçu Cagno les marques ont été volontairement effacées pour pas qu'on sache d'où ça vienne, c'est ça? Mais selon lui, ce serait la même fabrique. Enfin, ça pourrait mais être ça la peut même. Être une erreur. En fait, le truc, c'est qu'on dirait que c'est du coup la même fabrique qui envoie les mêmes plaques à chaque fois, mais que d'un coup, il y a eu un oubli. Sauf que si on parlait le procedimento, il n'y a jamais d'oubli. Tu vois. C'est pas au hasard. Alors, est-ce que c'est un indice pour qu'on le retrouve et du coup, tu sais, en mode. Il nous prouve qu'on est trop loin et du coup, il essaie de remettre du challenge ? Je sais pas. Bah, après, en même temps, on part du principe que Cagno. Si jamais on n'était pas allé lui parler là et que on n'avait pas évoqué tout ça, il nous aurait jamais dit qu'il arrivait à reçu cette plaque et que et qu'il avait 36 heures devant lui, quoi. Alors moi, il m'a dit pendant la mission qu'il y avait des gens qui voulaient le tuer, mais j'ai pris ça comme il y en a plein et qu'il a l'habitude de vivre avec ça, tu vois. Mais si ça se trouve, s'il a été dur avec nous, c'est que quelque part, il sait qu'il a une épée de Damoclès sur la tronche, et peut-être que si il est plus sympa avec nous ces derniers temps, c'est qu'on est peut-être sa seule... les seuls qui peuvent le sauver aujourd'hui. Donc forcément, on est sympa, quoi. En vrai, je pense que t'as raison. Après... Mais en vrai, c'est presque con. On aurait su ça plus à l'avance. On aurait presque pu tenter de tendre un piège à le procedimento à la Scooby-Doo, tu vois. En soi, tu peux toujours. Après, le seul truc qu'il faut savoir, c'est depuis quand il a reçu les plaques pour savoir dans combien d'heures, au final, il lui reste avant de mourir, quoi. Ça, parce que soit ça fait, il l'a reçu genre il y a 2 heures et du coup, genre juste avant qu'on arrive, et dans ce cas-là, on a le temps de mettre en place un truc. Soit il l'a reçu il y a 36 heures et il sait qu'il est foutu et que c'est trop tard. Kornilov va nous le dire. Il est parti. C'est ça. Ouais, là, je suis parti déjà. Hein. Quand je l'aurai dit... Ouais. Bien sûr. Mais dans ce cas-là, attendons que Kornilov revienne. Et si, ouais. Je pense que s'il y a au moins 24 heures, on est bon. Sinon, va falloir vraiment... sinon, je pense que ce son, il a déjà prévu sa vie. Donc, Ça marche. On va faire une Clint 2. Ouais, une 2, mais au dernier moment, quoi. Il y a eu plus de temps, quand même. Kornilov, ouais. Tu vas te mettre à courir. Ouais. Tu vas devoir courir parce que, bordel de merde, c'est qu'il est un peu loin, le monsieur. Tu cours, et... Tu commences à le remarquer un peu au loin en marchant un peu vite. Et je te laisse donc du coup essayer de tout simplement l'appeler, le arriver à son niveau, discuter. Dis-moi un peu comment tu t'occupes de ça. Attends, parce que j'allais l'appeler à haute voix, mais j'allais dire Cadio, mais je crois qu'il y a un nom de famille qui serait peut-être un peu plus poli. Landini, voilà. Monsieur Landini. J'essaie de l'appeler. Il se tourne. Il se tourne et il te regarde d'un air circonspect. Ok. Bon, je le rattrape un peu quand même pour être bien face à lui. Je vais lui dire excusez-moi, monsieur Landini. On a pensé à quelque chose qui pourrait être très important. Cette plaque que vous nous avez donnée. En fonction de l'heure à laquelle vous l'avez reçue, en fonction de cette histoire de fausse piste que vous avez pu émettre, il se pourrait que vous soyez d'ores et déjà en danger de mort. Maintenant. En effet, mais je suis au courant. Tu vois vraiment le... Vous êtes obligé de parler quand même un peu fort, parce qu'il y a vraiment un torrent de pluie, de vent qui se déchaîne. Hein. Vraiment, le son a du mal, limite, à se donner. Et il faudrait que vous reveniez avec nous au QG pour qu'on puisse ensemble en parler, qu'on puisse prévoir quelque chose, au moins pour vous protéger, dis-je. Et excuse-moi. Oui, mais je n'ai pas besoin de votre protection. C'est gentil. Je comprends votre action, mais non, je vous prierai de. Mais on peut pas vous. Excusez-moi du vocabulaire, monsieur. On peut pas vous laisser crever comme ça, comme un chien. Oui, certes, mais je ne compte pas me laisser crever. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais dans tous les cas, je ne vous suivrai pas. Monsieur, on a déjà sauvé une victime, on a déjà sauvé le baronnet Clint en a absolument besoin que vous veniez avec nous, vous êtes peut-être quand même le fait que vous soyez en danger puisse être une occasion pour nous tous de l'arrêter, dis-je. Et bon, en attendant sa réponse, j'imagine que je tire sur ma fille. Ok. Eh bien, alors que tu vois que il refuse hein, clairement, catégoriquement tout ce que tu dis, et t'es obligé voilà de céder. Donc tu tires sur ta pipe, le voyant tout simplement commencer à vouloir se retourner, à vouloir mettre fin à la conversation alors que tu finissais à peine ta phrase. Quand tu entends une détonation. À vrai dire, tu n'es pas sûr sur le moment, parce qu'avec le bruit ambiant et la pluie, etc., ça aurait peut-être l'orage, mais vraiment, ce qui confirme que c'était une détonation et non pas l'orage, c'est le corps de Canio Landini qui s'affale sur le sol. Et le sang qui commence à couler.